Il est à peine 17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. Mais quelle chance j'ai d'être entouré d'un homme passionné d'excellence, Fred Savard. Oh oui! De la constance de l'horloger Olivier Niquette. Salut! Jean-Sébastien Girard. Allô! Et de notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore... Est-ce que je vous ai blessé, Jean-Sébastien Girard, en non, vous donnant mais pas je de... m'attendais quand même à un beau compliment. Parce que je sais que vous m'aimez beaucoup. Oui, ben vous êtes le meilleur ici. Mais je ne vais pas le dire devant tout le monde parce que les gens écoutent. Les gens le disent beaucoup sur Twitter. Ah oui, ça c'est vrai. bon dimanche tout le monde, bon dimanche aux gens à la maison, aux gens qui sont ici au Helm avec nous. Merci encore une fois d'être là. J'aimerais justement te parler de Twitter, Jean-Sébastien. Oui. Parce que pour ceux qui écoutent l'émission depuis quelques semaines, Jean-Sébastien a lancé un téléthon pour ses abonnés Twitter. Vous vous rappelez de ça peut-être, hein? Ouais. Et il avait promis qu'au 4000e abonné, il irait souper avec ce 4000e abonné. Donc, il allait l'inviter. Cependant, Jean-Sébastien, vous êtes rendu à combien d'abonnés? Ben là, je fais rire de moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a hacké mon compte Twitter pour vrai parce que je suis passé de 3000 quelques et un matin, je me suis réveillé, j'étais rendu à 13 700. Donc, évidemment, bravo! C'est pas vrai, évidemment. Et je sais pas ce qui se passe, parce que là, c'est un problème. J'ai juste des noms fictifs maintenant qui me suivent. C'est juste des œufs. Alors, je pense que ça parle en même temps. Lorraine Nestus, Fliolir, Attawar, Thérèse, Washpish. On récolte ce que l'on sème, Jean-Sébastien. Oui, on récolte ce que l'on sème. Nous aurons une superbe émission. On accueille Yves Desgagnés en première heure. Dans quelques minutes, en fait, on va avoir Patrick Sénécal, l'auteur, dans la deuxième heure. Et on aura le droit au génie de Mathieu Charlebois aussi en deuxième heure. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Mathieu. C'est vrai. Et on va avoir l'histoire. Et ça, c'est vous savez, la chronique d'histoire de Fred Savard, qui est toujours très appréciée chez les historiens. pas du tout. Et vous nous racontez l'histoire de quoi, prof? De la radio. De la radio en général. Notre merveilleux médium qui nous permet de grassement gagner notre vie. Alors, je pense que c'est important d'en faire un peu l'histoire. Ah ben oui, et je peux faire ça sur plusieurs semaines. Ah oui? C'est ça l'avantage. Ouais, parce que je me suis dit, peut-être qu'on va manquer de sujet à un moment donné si on sujet par semaine. C'est l'histoire. Quand même assez. C'est quand même c'est un entonnoir, hein, on le sait. On risque alors, plus de manquer. On va essayer de s'étendre un peu. On risque plus de manquer de recettes que de manquer d'histoire. Fred Savard, si vous voulez mon avis là-dessus. Sinon, vous avez passé... Moi, en passant, tout le monde se fout de quoi je vais parler, comme d'habitude. Ben, c'est toujours la même chose. C'est la même chronique depuis 6 ans. Ben oui. Vous parlez de sport et de politique, Olivier. De démocratie. Ah, de démocratie. C'est vrai, depuis quelques semaines, vous faites la revue de l'Assemblée nationale. Hein? Oui. Est-ce pas n'importe quoi, votre travail? Non. OK. Vous avez fait quoi de votre beau samedi soir, messieurs Fren? Ben moi, j'ai consulté, j'ai reçu mon petit pamphlet là, du Festival du Nouveau Cinéma. Oui. Et 43e édition. Et je suis extrêmement excité. 43 ans, c'est votre âge, ça, Fren? C'est mon âge. Juste le noter. Un grand cru, 1971. Et je suis extrêmement excité parce que vendredi, le 10 octobre, à l'Université Concordia, à l'Auditorium Alumni, il y aura une projection du film culte. Et là, Jean-Sébastien, je pense que vous allez être content. Parlez-nous d'amour. De Jean-Claude Lard. Ben oui. Excellent film. Un film à voir. Très acide. Très... film rentre dedans sur l'industrie de la télévision et du showbiz en général, en fait, avec Jacques Boulanger, ben qui jouait son propre rôle. Tout à fait. Et qui a été un peu le signe de la fin de la carrière de Jacques Boulanger, non? Plus ou moins. Lui prétend que on a joué avec le montage, le scénario n'appelait pas ça. Mais c'est vraiment un excellent film. Et ça sera, je l'ai jamais vu sur grand écran. Alors, parlez-nous d'amour. Et ça me fait penser à ce matin, j'ai regardé Dessine-moi un dimanche. Vous regardiez Dessine-moi un dimanche à la radio? J'ai un radio HD. Et j'ai acheté ça, en fait. C'est un grand talent. Et j'ai entendu Franco Nouveau. Vous faire l'éloge de vous-même, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui. Et franchement, j'ai été très surpris. Je me suis réveillé avec ça. Moi, vous savez, j'ai une alerte. Sincèrement, hein? Non, mais sincèrement, si d'ici Noël, vous n'êtes pas ensemble, en couple, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Franco et moi? Oui. Mais on est en couple. Il vous adore. J'ai jamais vu quelqu'un vous adorer comme ça. Mais, et pourtant, mais il y en a beaucoup qui vous adorent. Franco a un sens pour reconnaître l'excellence. Et je lui donne ça, Franco. Il sait reconnaître le talent. J'imagine. Mais c'était bien, quand même. C'était très bien. Ouais. Merci, Fred. OK, vous avez fini, là? Oui. OK, je vous remercie. Olivier Niquet, vous avez fait quoi, vous? Ben moi, hier, j'ai regardé les diapositives du voyage de ma conjointe de fait en Australie sur son téléphone. Oui. Un voyage désastreux, hein, une succession d'erreurs de débutantes. Alors, je me suis dit que ça valait la peine de partager ça avec vous. Oui, quelques conseils pour nos auditeurs, tout d'un coup, qui veulent aller en Australie. Et tout ça, ce sont des faits vécus. Hein. Ne choisissez pas une ligne aérienne de boîte et ne prenez pas leur menu sans gluten en vous disant que ça va être meilleur que les pâtes au jus de tomate qui servent à tout le monde. Là, 17 heures, sans dormir, sans gluten et à côté d'un gars qui sent pas bon dans un avion, c'est non. Regardez plus de 2 heures avant votre décollage si vous aviez besoin d'un visa pour aller en Australie, parce que la réponse, c'est oui. 2 heures là, pour contacter l'ambassade de l'Australie, ça, c'est pas long. Googlez le nom de l'hôtel avant de réserver. Vous allez être moins déçu d'arriver face à face avec une auberge de jeunesse à 200$ la nuit avec un rideau de douche à la place de la porte des toilettes, parce qu'entendre son cochambreur faire ses petits besoins, pas le fun. Assurez-vous aussi de ne pas réserver votre vol de retour qui part la veille de la présentation que vous êtes supposé faire là-bas, parce que les frais d'annulation sont quand même assez exorbitants. Ensuite, ne chialez pas sur Facebook toute la semaine que votre voyage en Australie, c'est de la boîte, pour ensuite être déçu que personne like vos statuts, parce qu'on ne like pas ça du monde qui se plaint d'être en Australie. Puis si vous faites 25 heures d'avion pour aller là, à la seule place au monde où il y a des kangourous, arrangez-vous donc pour voir des kangourous, parce que vos photos de voyage, sinon ça va ressembler à Fort Lauderdale en 2011, puis ça, c'est pas mal moins exotique. Mais qui a besoin de ces conseils-là, sinon votre blonde? Quelqu'un qui s'en va en Australie bientôt, oui. Là. Mais mon Dieu, mais c'est seulement que votre épouse qui a besoin de ce genre de commentaires. Il me semble que c'est de la logique même, non? Ben, bon, Dieu, aussi. C'est... Mais... Ben ouais, c'est ça. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Oui, moi, j'ai pris de l'avance sur mon coffret du temps d'une paix. Je suis rendu à l'épisode... Et le pire, c'est que c'est même pas une blague. Alors, je suis rendu à l'épisode 115. Fred, Noëlla a retrouvé la mémoire hier. Parce que Ticoune l'a ramené dans la grange où elle avait été attaquée à cause de l'alcool frelaté. Oui. En tout cas, donc c'est fort intéressant. C'est un fléau, ça, l'alcool frelaté. Oui, là. Oui. Le gin à cochon. Exactement. Gin à cochon. Exactement. C'est intéressant pour qui, par exemple? Juste. Ah, mon Dieu, pour une large partie de notre auditoire. Ouais. D'accord. Qui a à cœur notre passé et notre histoire. Notre maître, le passé, comme oui, disait Yannick Groulx. Exactement. Voilà. Sinon, ben, écoutez, j'ai lu le site du Petit Gars. Je suis tombé sur un article fort intéressant qui s'appelait « Un gars décide d'aller prendre un café avec ses 1000 amis Facebook ». Alors, c'est quelqu'un qui a une réflexion sur le concept d'amitié Facebook. C'est pas nouveau, vous me direz. Ben non. Mais effectivement, on se dit, on a tous plein d'amis. La plupart, on les connaît pas. On sait pas trop comment ils sont arrivés là. Souvent, on ajoute du monde ben cute à 3 heures du matin quand on revient d'un party ben chaud. Mais... On sait pas trop pourquoi. Alors, vous... Mais c'est pas votre journal intime, cette émission-là. Ah, bon, j'ai juste fait attention. Donc, je me suis dit, ben, je devrais faire la même chose que lui. Donc, lui, pendant 3 ans, il a rencontré un à un tous ses amis Facebook pour créer une relation avec. Il a documenté un site Internet et il a pris des photos individuelles avec chacune de ces personnes-là. Donc, 3 ans que ça a pris avant qu'il réussisse à rencontrer ses 1000 amis. Moi, j'ai vérifié, donc j'ai 1387 amis. Ah. J'en connais pas beaucoup là-dedans. J'ai eu de la misère à avoir 10 personnes à ma fête, Jean-Philippe. Il y avait Fred Savard, c'est pas mal ça. C'est l'attitude, surtout. Oui, voilà. Alors, évidemment, j'ai pas le temps, moi, de prendre 3 années de ma vie pour rencontrer tout le monde. On a des vies actives, on est des personnalités publiques. Donc, ce que je vais faire, c'est pour moi. C'est que je vais quand même rencontrer mes amis. Alors, je vais vous lancer le défi à tous ceux qui m'écoutent. J'ai déjà fait l'annonce sur ma page Facebook et ceux qui m'entendent à la radio. Donc, tous mes 1387 amis, je vous invite à prendre une bière avec moi, une seule, qu'on va prendre aujourd'hui, ici, au Helm, à 19h. Donc, quand l'émission va se terminer, à 19h, j'invite mes 1387 amis. On va prendre une seule bière, tout le monde ensemble, mais à 19h30, ensuite, chaque mon camp, parce que j'ai un souper avec ma mère qui venait assister à l'émission. Donc, pendant une demi-heure, je vais prendre un verre avec vous. On va prendre une photo de groupe, tous mes amis ensemble, qui vont beaucoup trender sur les réseaux sociaux. L'invitation, elle est réelle. Ça va vous détruire, ça. Vous le savez, il y aura personne. Comme j'étais là à votre fête, est-ce que je suis obligé de rester aussi à l'émission? Oui. Ah, OK. Enfin, 273 rue Bernard-Ouest, c'est à Montréal. Donc, je vous attends à 19h. Mais pourquoi les inviter après l'émission? Ce serait le fun qu'ils soient là pour l'émission. Non? Ah, ben vous pouvez arriver une demi-heure avant. Ben merci, j'ai très hâte de voir ça. Hein? À tout de suite, mes amis. Il y a déjà des gens qui quittent au cas où. Hein? Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Olivier, l'Internet. Oui, ben pour assister à l'émission, vous pouvez aller sur notre site radio-canada.ca/la soirée. On est aussi sur twitter.com/la soirée, facebook.com/la soirée est encore jeune. Et vous pouvez nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca. Et là, cette semaine, on a reçu un message d'un certain Manuel qui trouve qu'on ne publie pas assez souvent sur Google+. Et qui servait de ça pour se rappeler de nous écouter. Ça fait longtemps qu'il n'a pas dû nous écouter. Alors, je suis allé voir notre profil Google+, et Jean-Philippe, là-bas, vous avez un petit pinch en dessous de la lèvre, pas vraiment de toupette, et on ne voit pas vos souliers. Et notre émission est encore diffusée le vendredi à 19h, alors je ne vous conseille pas d'y aller. OK, d'accord. Sinon, on a une question du jour aujourd'hui, c'est quelles sont vos prédictions pour la saison de hockey qui commence? Donc, c'est tout? Pour chez vrai? Ron, ouais. Ah, mon Dieu, je donne mes plates. OK, parfait. Ben, répondez-y quand même. Et puis, vous allez nous donner les réponses et les meilleures, j'espère, en début de deuxième heure. Ou toutes les réponses, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, ben, en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portatives. Oui. Brett Savard, le François Paradis de son époque. Je suis rendu loin. Là. On se rendra pas à Noël? Non, c'est clair que non. On a appris évidemment que les délégués péquistes étaient en congrès hier et ont établi le montant des dépenses qui sera permis pour la course à la succession de Pauline Marois. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ah oui, mais j'ai pas le choix. Ouais, c'est mon travail. Ah, d'accord. Une proposition limitée à 300 000 $ les dépenses. Cette proposition-là a été défaite. Mmh. On pourra donc aller au-delà des 400 000 $. Le parti poursuit donc sa tradition instaurée avec Pauline d'avoir un millionnaire comme chef du parti. Ah, d'ailleurs, Jean-François Lisée a demandé à Pierre-Carl Péladeau de choisir entre la politique et ses actions de Québécois. Oui, Pierre-Carl a refusé de s'en départir. Alors, on peut donc s'attendre dès lundi à une vingtaine d'éditoriaux dans le Journal de Montréal pour nous convaincre qu'il n'y a aucun problème pour un magnat de la presse à diriger un parti politique. Tout ça avec du recul. Jacques Sanson doit être en érection. Oui, Lise Ravary aussi. Voilà. La députée... Franchement, lâchez-la. La vraiment. Députée péquiste Hélène Zakaïb ne siégera pas dans l'opposition pour les 4 prochaines années. On a appris ça. Oui, effectivement, Mme Zakaïb a décidé d'abandonner ses électeurs pour aller tenter de redresser la marque de vêtements Jacob. Elle sera en terrain connu puisqu'elle quitte une entreprise en faillite pour une autre et qu'elle est habituée dans le PQ au déchirage de chemise. Les gens sont tout... les gens quittent. Ben oui, vraiment. C'est une blague de trop contre le Parti québécois, Fred. Parlant de déchirage, ah ben une autre. Ouais. Le Parti québécois aurait autorisé lui aussi le passage du pétrole sur le fleuve Saint-Laurent. Oui, malgré les tentatives des députés du PQ cette semaine de nous faire croire qu'ils étaient respectueux de l'environnement, des documents internes démontrent que c'est quand ils étaient au pouvoir qu'ils ont permis le passage des super pétroliers sur le Saint-Laurent. Interrogés sur le sujet pour se justifier, la plupart n'ont répondu que « à jejeuse ». Un premier cas du virus Ebola a été diagnostiqué aux États-Unis. On a appris ça en début de semaine. Oui, évidemment, on craint la contagion partout en Amérique du Nord. Les autorités sanitaires du continent sont sur les dents, ainsi que les survivalistes. Il y a Gaétan Barrette qui est très calme et qui assure qu'avec la nouvelle structure qu'il a créée au ministère de la Santé, il pourra lui-même égorger le virus et s'asseoir dessus pour le tuser. Arrêtez donc! Oui. Ah, c'est rassurant, ça. Oui. Et il y a le Fonds mondial de la nature qui a publié son rapport annuel et les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Effectivement, depuis 40 ans, la planète a perdu 50% de ces espèces animales, principalement à cause de l'activité humaine. Et là, pour le fun, nous avons demandé au ministre de l'Environnement, David Hortel, ce qu'il en pensait. Il a répondu « Oui, oui, c'est bien triste, mais est-ce qu'on a besoin d'autant d'animaux de toute façon? » La question est bonne. Et là-dessus, je pense qu'on... Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il y a à peu près 300 sortes de grenouilles différentes. Je pense qu'avec 150, on en a sûrement assez. Il y a des coupes là-dedans, ça c'est clair. Merci, Fred Savard. Oui. Merci beaucoup. Vous avez changé votre... J'ai besoin de me renouveler, Jean-Philippe. Ah, quel extraordinaire chanson. Je tenais de faire du surplace. Oui. ça va remonter votre carrière, Amélie, Jean-Sébastien. C'est très varié. Côté météo, très varié. Hein. Il y a toutes sortes de températures. Je vous donne des chiffres comme ça. 18, 5, Régina, 5. Je ne sais pas ce qui se passe à Régina. Ah ouais. Les gens ont une grosse soirée hier, sont tranquilles aujourd'hui. 5 seulement, ça satisfont de peu. Pourtant, à Saskatoon, il fait 10, très ensoleillé. Ah on oui, hein? Salue les gens de Saskatoon. On ne connaît personne là-bas, mais on rêverait de le faire. Et il y a également Iqaluit, 2 degrés. Iqaluit, la semaine dernière, faisait 0. Ouais, hein, alors, c'est peut-être le printemps indien là-bas. J'ai placé quelques appels et j'attends des réponses. Et si les gens, pour la circulation, n'oublient pas de nous écrire si... Vous êtes témoin de bouchons ou de problèmes de circulation, vous nous écrivez, nous allons, en tant qu'émission de service, peut-être les diffuser. Bien, on entendait dans le bulletin de nouvelles que le pont Champlain était fermé. Oui, et d'ailleurs, j'attends une confirmation, il y aurait des gens qui seraient sur le pont et quand ils ont fermé, ils étaient sur le pont. Arrêtez donc! Ils sont là depuis tout le week-end. 72 heures sur le pont? 72 heures sur le pont. Dieu. Ils se sont fait prendre. Ouais. Peut-être aller voir. J'attends une confirmation. OK, d'accord. Ah, vous êtes un grand journaliste quand même, hein? Franchement, là... Passionné d'excellence. Ah, messieurs, vous savez, la semaine dernière, on a inauguré un petit quiz showbiz. Oui! Et j'ai reçu ce commentaire de la part d'un fidèle auditeur. Ce serait le fun de faire des quiz d'actualité également, parce que ça peut devenir plate longtemps d'avoir juste des questions sur Gabriel des Trois Maisons. J'avoue. Signé Fred Savard. Et voilà. J'ai pas le choix de passer par les courriels pour me faire entendre dans cette émission, parce qu'en réunion, je suis un coton. Eh bien, on a bien pris en compte vos commentaires, ben, monsieur merci. Savard. Et pour commencer votre dimanche, on va voir si vous avez bien lu vos journaux du week-end. Alors, c'est un petit quiz. Hein? Tout le monde a le droit de répondre. Vous devez trouver la réponse en me posant des questions le plus possible. Lancez pas les réponses comme ça parce que vous le savez. Ou, on veut s'amuser. Vous comprenez ce que vous voulez? Hein? Bon. Alors, ma première question. Si vous avez bien lu vos journaux, vous avez appris qu'aujourd'hui, son utilisation au Québec aurait grimpé de 32% en 6 ans, tant et si bien que c'est utilisé aujourd'hui par plus de 95% des Québécois. Qu'est-ce que c'est? Le sirop d'érable. Ah, c'est ça! C'est ça. Ah! Voyons donc! Pour vrai? Ah non, j'aurais dû dire oh, quelque chose de sucré, quelque chose de gluant. Non, c'est correct, Fred Savard. Si vous voulez saboter cette émission-là, c'est... Non, mais c'est une bonne réponse. Mais non, vous aviez lu ça? Ou oui, je l'ai lu. OK, vous n'avez pas compris le principe, mais c'est pas grave. On va réinviter quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Non, mais Christiane Charette était très bonne dans cette émission-là hier. Et franchement, elle pourrait vous remplacer à pied levé. Alors, la deuxième question. On sait que la guerre a commencé entre Jean-François Lisée et Pierre-Carl Péladeau. Hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est pour la chefferie du PQ. Lisée qui demande à Pierre-Carl de se délester de ses actions de Québec en médias. Mais il y a quelqu'un qui a déclaré, et je cite, « Je suis déçu de Jean-François Lisée ». Qui a déclaré qu'il était déçu de Jean-François Lisée? Ce n'est pas quelqu'un de sa famille. C'est sa mère? C'est Alexandre Cloutier? Non, ce n'est pas Alexandre Cloutier. Qui pourrait être déçu de Jean-François Lisée? Sa mère? C'est quelqu'un du PQ? C'est quelqu'un du PQ, effectivement, c'est quelqu'un du PQ. Est-ce que c'est quelqu'un du PQ? Qui serait déçu là, de Jean-François Lisée? Pauline? Ben oui, mais ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça. Jean-François Lisée. Oui. Mais c'est sûr que le spectre est large déçu de Jean-François Lisée. Mais faut ramener ça, là. Excusez-moi? Ben, est-ce que vous êtes déçu de Jean-François Lisée? Ben, souvent. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vous. J'ai pas d'opinion. Est-ce que c'est un député des régions? C'est un député des régions. C'est... Oh. Ah, ça, c'est une belle piste, ça. Ah, est-ce que c'est le voyons, celui qui nous écrit tout le temps, là. Voyons, je suis un blanc pour vrai. L'ancien ministre du tourisme. Pascal Bérubé. Pascal Bérubé, c'est une bonne réponse. Ben, bravo. C'est Pascal Bérubé, évidemment. Il est déçu. Et il se place clairement dans le camp de Pierre-Carl Péladeau. Ça, c'est clair, ouais. C'est dommage parce qu'il a eu beaucoup de chance, lui, en tant que chef. Ben, je pense que oui. Et j'ai une autre citation de quelqu'un qui... C'est un peu comme un bouclier humain pour Pierre-Carl, je crois. Alors, c'est ce que Jean Lapierre a dit. Il y a plusieurs boucliers humains pour Pierre-Carl. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui est cité, en fait, que je cite là, et qui prend partie de Pierre-Carl. Au Parti québécois, on n'a pas à être plus catholique que le pape. Qui a dit ça? Oh. Le pape? Monseigneur Ouellet? Non, ce n'est pas ça. Alexandre Cloutier? Non, arrêtez avec Alexandre Cloutier! Avec un poisson dans les mains? Jean-Sébastien, arrêtez de parler de Jean-Alexandre Cloutier, s'il vous plaît, OK? Attendez. Ouais. Plus catholique que le pape au PQ. C'est quelqu'un d'élu, présentement? Non, il n'est pas élu. Est-ce que c'est un politicien? Ça a été un politicien. C'est encore quelqu'un qui est... Jean Lapierre? Non. Est-ce que ça a été un élu du PQ? Il a essayé d'être élu du PQ. Oh, en 2007. C'est un comédien? Dans la vraie vie, il fait quoi maintenant? Dans la vraie vie, maintenant, il est chef d'un mouvement qui est associé au Parti québécois. Pierre Curzi? Non, franchement. Du CEP! Non, mais voyons donc! Un mouvement, ça se... Ah, Pierre Curzi! Il vient de le nommer! Quand on vous dit là, que ça prend de l'écoute dans cette émission-là, il y a le petit Olivier à votre droite qui a dit Pierre Curzi il y a 30 secondes. Un mouvement associé, mais c'est parce que mouvement et PQ associé, c'est pas évident. Il a été à la tête d'un syndicat. Là, je vous donne des indices. Là. Franchement. Gérald Larose? Non. Hey, non, mais son nom, c'est quand même une fleur, comme Gérald Larose. Ah ouais? Marc Laviolette! Bon! J'allais dire François Pissenlit, mais là, c'était comme, j'avais pas écrit. Ça peut pas être lui, il est fédéraliste. François Pissenlit est bien bonne. Ouais. OK. On vient d'inventer une nouvelle application disponible sur iTunes qui s'appelle Good to Go. Okay? Ah. Cette application est en lien avec une nouvelle législation qui est instaurée en Californie. Quelle est l'utilité de cette application? Savoir si on est sous l'alcool au volant? Non. Si on est, non? Non, mais c'est pas... Ça peut aller dans cette zone-là. La drogue? Mais c'est plus large que ça. Les alcools frelatés? Ah, Jean-Sébastien! Encore une fois, c'est pas votre journal intime. Olivier? Ça a-tu rapport avec le fait qu'il faut dire oui maintenant? Oui, ça a rapport avec le fait qu'il faut dire oui avant? Avant... De faire l'amour. Oui, OK, c'est ça. Alors, cette application sert à quoi? À éviter le viol. Contrat? Non, mais... Je suis pas super à l'aise avec cette émission-là. De moins en moins. Je l'ai dit hier, là, ça s'arrange pas. Mais non, mais vous étiez pas loin, là, en fait. Faire l'amour. Oui, mais... OK? Oui. Donc, good to go. Oui. C'est ça, exactement. C'est une application qui vous aide à consentir à l'acte. Mais franchement. Je vous jure. C'est bien, mais pour vrai. Oui, cette application-là, Je sais pas si ça me tente, Minou, je vais regarder mon téléphone. Non, écoutez bien, cette application-là est pour l'égalité. Laissez-moi finir. Ah, je pensais que vous vouliez qu'on participe. Non. Excusez-moi, je parlerai plus. Vous êtes si possible. Alors, cette application-là, c'est un formulaire. Et le formulaire, quand vous rencontrez quelqu'un, et là, vous êtes sur le bord de closer, Non, mais c'est vrai que c'est ça. Et vous devez remplir des questions. Est-ce que vous êtes alcoolisé? Okay. Est-ce que cette personne-là vous a offert de vous transporter? Est-ce que cette personne-là... Alors, c'est plein de questions la fin vous dit alors oui, vous pouvez y aller en toute sécurité. C'est vrai qu'on est rendu. Oui. Non seulement je suis pas à l'aise dans cette émission-là, mais je suis pas à l'aise dans le monde dans lequel on vit. Ah, mon Dieu, Fren. Mais restez avec nous. Ils étaient près de 35 000 selon les estimations et les photos de ce regroupement ont été très partagées sur les réseaux sociaux cette semaine. On parle de quoi ou de qui exactement? Oh, 35 000, les photos ont été partagées. Est-ce que c'est des gens, est-ce que c'est un groupe du Québec? Non, ce n'est pas un groupe du Québec. Est-ce que c'est un regroupement sportif? Non, pas du tout. C'est pas les cyclistes tout nus, là. Est-ce que c'est une secte? Ce n'est pas une secte. Ah. On parle de quoi ou de qui exactement? Ben c'est ça qu'on cherche, là. On parle de quoi, de qui? Un mariage? 35 000. Des animaux? Ah, ah là, on a quelque chose d'intéressant. Des animaux, oui. Bon, oui, c'est des, ce sont des animaux. Un regroupement d'animaux. Oui. Qui a publié des photos de lui-même sur les médias sociaux. Ouais, non, c'est pas eux qui ont pris leurs propres photos quand même là. Okay. Les animaux sur les médias sociaux, je me demande bien que ça peut être. Est-ce que c'est des Des chats? Non, c'est pas, sont pas des chats. 35 000. Mais il y a personne dans... Oui, mais c'est les morts, c'est les phoques, effectivement, qui sont réunis là. Ah. Ben oui, c'est la photo spectaculaire. C'est un gros congrès en Alaska de phoques. Hein, exactement, dans le nord-ouest de l'Alaska, il y a 35 000 morses qui ont été forcés à venir s'échouer sur une plage. À cause de quoi, Fred? Le réchauffement climatique. C'est en même temps, ça s'adapte. Ça va faire une nouvelle sorte de phoques. C'est-à-dire? Ben, des phoques habitués à la chaleur. OK. J'essaie de d'offrir un contrepoids pour pas qu'on nous traite de gauchistes. Mais merci, Fred. Oui. Écoutez, il y a personne qui a gagné. Vous étiez vraiment... Non, mais il y a Fred avec son sirop d'érable. Donc, on vous donne le point pour aujourd'hui, merci. Fred Savard. Présentez notre premier invité. Réalisateur, metteur en scène, il nous a donné Roméo et Juliette et l'image de Pauline Marois lors de la dernière campagne. On l'a quand même invité. Voici M. Yves Desgagnés. Yves Desgagnés, prends le... Yves Desgagnés, vous savez pas que fait Roméo et Juliette, là? Ben non, je sais pas pourquoi vous réduisez ma vie à... Ne me regardez pas, Yves Desgagnés. On la réduit pas. Parce que je sais, j'écoute, je suis un fan de votre émission, c'est d'abord. Vrai? Oui, et j'écoute, et je sais pas pourquoi, c'est récurrent. C'est un film qui date de 10 ans, dont je suis très fier. Ah voilà! Oui. Alors là, ça c'est bien, ça a été... des rencontres formidables, faire ce film-là. Et c'est un film... C'est une belle histoire. Contrairement à ce que vous colportez, mais c'est le but de votre émission. Oui, j'en suis fortin. Ce qui a atteint ses objectifs, il est adressé à un public de 14-17 ans. Oui. Et je vous invite, à l'instant même, d'aller voir sur le site Cinéma Montréal. C'est le film le mieux coté chez les jeunes. C'est un site qui me dit rien, alors, Cinéma Montréal. Jean-Sébastien. Oui, alors, voilà. Mais cela dit, je ne crois pas du tout que ce soit un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui m'a fait avancer parce que j'ai fait des rencontres formidables. Bang, Fred Savard. Ah, bang. Sais. Bon, on va passer aux vraies affaires. Je me le fais dire. Oui, non, c'est le temps, en fait, qu'on vous remette à votre place. Ouais. On recevait Emmanuel Bilodeau. Oui, il ne faut pas réduire la vie des gens à une chose. Non, c'est vrai, mon ça. Mon pauvre ami. Si on vous réduisait constamment aux apartistes, Fred Savard, vous seriez déçu de ça. Oui, exact. Vraiment. Là, je vous vois rougir. Là. Yves Desgagnés, on recevait Emmanuel Bilodeau hier. Oui. Et on lui a demandé, est-ce que vous avez une question pour Yves? Et il nous a répondu, tout à fait, j'aimerais ça savoir comment est-ce qu'il va? C'est sa question. Hein? Je ne juge pas, moi. En bon français, je suis top shape. Vous êtes top shape? Oui, très bien. Parce que je suis dans l'élément qui m'intéresse le plus. Je suis en pleine répétition de l'importance d'être constant. Une pièce d'Oscar Wilde. Au TNM qui débute le 11 novembre. 11 novembre. Et quand on est un metteur en scène, qu'on est en répétition, on ne peut pas être plus heureux. C'est le fun des répétitions pour un metteur en scène parce c'est que vous êtes exceptionnel. En train de vous modeler votre oui, heure, en fait. Parce qu'on crée un univers, on crée un monde, un climat, une atmosphère. On travaille avec des êtres humains pendant de longues périodes et je suis dans mon élément, comme on dit. Ben, ça fait du bien de vous entendre parler de votre vrai métier parce que ça fait 2 ans, là, je vais vous le dire, ça fait 2 ans qu'on parle beaucoup plus de votre engagement auprès de Pauline Marois et du PQ que de votre vrai métier. Est-ce que vous êtes tanné de ça? C'est-à-dire que si j'étais pas quelqu'un, on va dire, d'un peu connu, je pense que personne ne se serait intéressé au travail que j'ai fait auprès de Mme Marois. Mais vous pensez effectivement, vraiment? Oui, parce que ce que j'ai fait auprès de Mme Marois, c'est un travail qui se fait depuis des années auprès de la classe politique. Alors, il n'y avait rien d'exceptionnel dans le travail que j'ai fait avec Mme Marois, mais je comprends aussi que quand on touche à la classe politique, ben on est bombardé un peu de tout bord, tout côté, ce qui est normal. Mais pourquoi c'est vous qu'on est allé chercher? Pourquoi c'est pas Serge Denoncourt? Pourquoi c'est pas... Parce qu'elle est allée le chercher le meilleur. Ah! Ouais. C'est ça! Vous savez, ça, c'est ma grande faiblesse. Je vais rarement chercher les meilleurs pour m'entourer, moi. Ben, j'allais vous en parler, Jean-Philippe. Ouais, non, on s'en parle tout à l'heure. Non, parce que ça a été, en fait, une rencontre étonnante, puis aussi qui s'est faite de façon très naturelle. Est-ce que vous voulez quand même connaître les faits? Ah, genre, mais mon Dieu, mais je meurs pour ça. Ou vous aimez mieux faire des petites choses sur ce que vous pensez, ce que c'est? Non, non, hey, nous, je on veux veut... pas vous censurer. On s'empêche pas dans les faits, normalement, mais allez-y. Ouais, c'est ça. Ah non, moi, je suis très... Les faits sont dépendants, souvent, je sais bien, mais bon. Mais moi, je suis avide de faits. Allez-y. Alors, les faits, c'est très simple. C'est qu'il y a 2 ans, une boîte de communication m'a appelé. Ouais. Et c'est quelque chose, ça, de récurrent. C'est-à-dire que, comme j'ai un métier de metteur en scène, je suis habitué à analyser des textes, à faire des coupures si c'est trop long, enfin, mm-hmm. de faire de l'analyse de texte. C'est un des grandes qualités que vous avez. Ben, en fait, c'est un des premiers métiers de metteur en scène, c'est de pouvoir lire puis de voir est-ce qu'il y a des longueurs, est-ce que c'est court, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pertinent. Vous avez fait ce cours, en tout cas, avec le mandat des péquistes. Alors, cette boîte de communication dit, écoutez, il y a quelqu'un qui doit faire un discours qui a 26 pages et on aimerait ça avoir votre point de vue sur la structure de ce discours-là. Alors, je me suis rendu à cette boîte de communication et qui je rencontre, ouais. qui est là, sans qu'on m'avise, c'était Mme Marois. Elle n'était pas première ministre. Non, elle n'était pas première ministre, mais il y avait le vent d'une campagne électorale et elle se préparait à faire ce qu'on appelle un discours fondateur. Alors, elle avait effectivement un discours de 26 pages. Et là, j'ai fait cette rencontre avec cette femme-là. Et naturellement, tranquillement, pas vite, on a commencé à parler. Je me suis rendu compte qu'elle avait les mêmes préoccupations qu'un acteur, qu'une actrice, en fait, de quelqu'un qui fait de la communication publique. Donc, d'être capable de livrer un message. Oui, est-ce que ça livre? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça, c'est trop long? Est-ce qu'il y a un bout de plate? Est-ce qu'on devrait... Les mêmes questions que je rencontre actuellement en salle de répétition avec les acteurs et les actrices. Et c'est une conversation qui s'est poursuivie jusqu'à la première campagne électorale et bien sûr la deuxième campagne électorale. Et à son contact, elle m'a demandé, en fait, pas elle, mais sa chef de cabinet, si je serais intéressé à mettre en scène, en fait, de faire l'organisation scénique des événements du Parti québécois. Alors, j'ai dit oui. Alors, c'est comme ça. C'était une chance pour moi de mettre le nez dans l'appareil politique. Ouais. Mais cette rencontre-là, ça vous dérange pas, je vais mener l'entrevue. Ah! Mais, non, mais quand vous saurez quoi dire la prochaine fois, je parlerai plus. Ah, ben, vous faites ça de toute façon, fait que ça changera pas grand-chose, mon bel ami. Mais vous aviez une question pour vrai? Oui. En fait, j'ai pensé à vous, Yves, le soir de la défaite. J'aimerais savoir, comme vous étiez responsable un peu de cette image-là et d'une certaine façon, un peu du succès de ça, est-ce que vous l'avez vécu un peu comme un échec personnel? Est-ce que, il y avait une partie de cet échec-là que vous attribuez à votre faute? Non, c'est une bonne question, mais... Je sais. Je vais essayer de trouver une bonne réponse. C'est que mon rôle n'était malheureusement pas politique. Si j'avais été un... Oui, mais si tu regardes, tu vois sur Internet, si tu vois Mme Marois en avril 2012 et que tu la regardes en avril 2014, je pense qu'il y a aussi une évolution chez elle, une aisance. Vous savez, les politiciens, et c'est ça que ça m'a apporté, ils font de la politique en direct. Et là, ça, c'est une notion nouvelle en politique. Avant, on me racontait, ben, ils rencontraient un journaliste qui allait sortir l'information 2-3 jours plus tard. Maintenant, c'est les caméras braquées sur eux. Et donc, ma part de responsabilité, sûrement, j'ai sûrement une part de responsabilité, bien que là où elle est limitée, c'est que mon rôle était... Moi, j'étais, ma vraie job, c'était livreur. J'étais un livreur, parce qu'à chaque fois qu'il était question de livraison d'un discours, on faisait appel à moi. Ouais. Donc, c'est pas de votre faute si la pizza est fraîche, qu'est-ce que vous voulez, hein? Non, mais en même temps, je prends ma part de la responsabilité dans le sens qu'il y a eu une proximité, effectivement, avec Mme Marois, avec toute son équipe, avec les hommes politiques, les femmes politiques, et puis, je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai pu avoir une influence. Elle était quand même relativement limitée, malheureusement. Parce que, évidemment, si j'avais eu un rôle politique, Mme Marois serait première ministre. Et elle serait majoritaire. Mais cette première rencontre-là, en fait, la demande de cette première rencontre-là de la boîte de com, là, si vous étiez rentré et c'était Philippe Couillard qui était assis là... Écoute, je me suis posé la question. C'est une bonne question. Vous voyez, hein, quand même, il faut lui se claquer toute votre boutique. Là, je dois dire que j'étais en harmonie avec la proposition du Parti québécois parce que je ne pense pas qu'on peut être francophone du Québec et ne pas être indépendantiste. Je vous écoutais, Jean-Philippe, il y a deux semaines. Et vous, Fred, oui. Je vous pointe du doigt. Oui, oui. Et qui avait dit sur les ondes, non, je ne suis pas souverainiste, je ne suis pas... On ne peut pas dire une chose comme ça. Mais Radio-Canada, oui. Non, oui, bien sûr, je me suis dit, ils veulent conserver leur emploi. Vous seriez surpris à quelqu'un. Le premier mandat de Radio-Canada et l'unité canadienne. Je voilà. sais, je bon, sais bon, dans voilà. quoi je suis. Qu'est-ce que vous faites ici? On ne peut pas dire toujours... une chose... Parce que dire ça, c'est dire son contraire. Je veux être dépendant. Vous voulez être dépendant de qui, Jean-Philippe? Monsieur Degagny, pendant que vous parlez de tout ça, il fait déjà 11 à Saskatoon. On va changer de sujet. Oh, mais ça, c'est bien c'est dit, bien. Ça. Non, oui. Mais oui, effectivement, j'étais en harmonie avec la proposition de faire du Québec un pays, effectivement. On avait Emmanuel Bilodeau, je le disais un peu plus tôt, qui disait que lui, tous les jours, il a le Québec à cœur. Oui. Il vit le Québec. Ben visiblement, oui. ça l'angoisse, cette histoire, cette question-là. Ben, ça il pas en parle sens. De la vie. Ben non, je sais, mais est-ce que vous êtes comme ça aussi? Ah, moi, c'est pire que lui. Vous voulez dire? Ben, dans le sens que il y a des choses qui n'ont pas de sens, on se met à réfléchir. Comment se fait-il qu'une autre société que la nôtre décide pour nous? Je n'arrive pas à comprendre. Et comme je dis, si on est le moindrement fédéraliste, parce qu'on n'est pas allé 15 minutes à Toronto. C'est une autre société qui est merveilleuse, qui est belle, mais ce n'est pas la nôtre. Écoutez, sur le plan international, ça n'a pas de sens que M. Harper nous représente. Ce ne sont pas nos valeurs, ce ne sont pas... Non, ça mais, pas de sens. Mais cassez-vous! Que... Alors, non, le, mais... un pays, c'est l'ouverture sur êtes, le monde. Vous êtes pour ça, vous, l'État islamique? Je vais immédiatement passer à un autre sujet ici avant qu'on reçoive des plaintes, évidemment. Non, mais Yves Degagné, oui. je comprends que vous pensiez ça, mais en même temps, les dernières élections ont prouvé que vous étiez une minorité. Non, c'est faux. C'est faux, ce que vous dites, Jean-Philippe. Mais non, mais attendez, il y a une minorité non, de personnes parce que qui pensent comme je ça. Je pense que les gens ne voulaient pas de cette équipe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas le projet. On le voit d'ailleurs au dernier sondage, encore le fameux 40-41% ouais. des gens qui sont souverainistes. Que le projet est plus populaire que le parti. Ah, bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Alors là, il faut poser les questions. Ça demeure à savoir, que 40%, est-ce que l'équipe qui était là, est-ce que c'est... C'est pas majoritaire, mais je vais vous dire, c'est pas mal quand même. Est-ce que je me trompe? Au dernier référendum, c'est faux quand les hommes politiques disent que les gens ont rejeté la notion du pays en 95. À ce que je sache, 50% de la population le voulait. Oui, non, mais 49 points quelque chose. Oui, mais, alors que c'est pas tout le monde, là. Mais ça, c'est une photo. Moi, j'ai le droit, sondages, j'ai le droit de vivre, même si je suis pas mais dans oui, la majorité. Tout à fait, tout à fait. Mais là, je vous sens un peu plus sulfureux qu'un simple metteur en scène d'une histoire. Oui. Ça vous tente jamais de vous impliquer? Ça vous tentera jamais de vous impliquer plus encore? Écoute, on m'aurait dit il y a 3 ans, tu vas faire une campagne électorale, tu vas être avec le premier ministre et tout ça, je l'aurais pas cru parce que je suis très heureux dans le milieu des arts puis je pense que ma vie est plus dans le milieu des arts. Mais je ne dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ah, voilà. Et ça aussi, ça vient de mon métier de metteur en scène. Vous savez, quand on monte un spectacle, peu importe l'époque, peu importe l'auteur, on est obligé de faire un peu de sociologie, de comprendre le contexte, de comprendre comment ces êtres-là, ces personnages-là ont évolué. Et inévitablement, t'es obligé de prendre une espèce de position sur la politique. Et qu'est-ce que c'est la politique? C'est une philosophie de vie. C'est une comment est-ce qu'on veut s'organiser ensemble. C'est des questions qu'on se pose constamment quand on fait Tchekhov, quand je fais Oscar Wilde actuellement. Et effectivement, je comprends pourquoi plusieurs comédiens, Emmanuel, d'autres, Jean-Sébastien, sont attirés par la chose politique parce que c'est l'organisation du monde. Et l'organisation du monde, ça me préoccupe. Et là, c'est parce qu'on a presque fini notre entrevue. On a à peine parlé du TNM, puis je m'en veux, parce que c'est une pièce avec une distribution assez intéressante. Oui, Anne-Elisabeth Bossé, Max Denommé. Oui. Et là, ça commence le Raymond 11 novembre. Bouchard dans Raymond Lady Bouchard, Bracknell. Qui revient depuis... ça fait longtemps ça fait une douzaine, 15 ans qu'il n'a pas joué au TNM, puis c'est un acteur fabuleux. C'est un grand plaisir que j'ai actuellement. Puis est-ce que vous, on va vous voir à la télé bientôt? J'ai pas de projet dans les médias. Non. J'avoue que le bon côté acteur que j'ai bien aimé pendant de nombreuses années, autre que dans les machos, que dit Fred quand il me parle de moi. J'ai absolument pas rien dit. Et je suis très fier d'avoir fait les machos. Exactement. Mais je l'ai mis un peu de côté parce que ça, à un moment donné, ça, je trouvais les. En fait, c'est la mise en scène qui m'intéresse. Mais vous savez, on s'ennuie tellement de vous voir à la télé que on a brainstormé toute la nuit pour vous trouver le meilleur hommage qu'on pourrait vous rendre. Sans blague. Et évidemment, on l'a trouvé grâce au talent de nos deux hommes de théâtre ici, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquette. Non, c'est une blague. C'est Jean-Sébastien Girard et Fred Savard qui vont interpréter un des moments essentiels de la télévision québécoise, une scène de l'héritage. Oui. Oh! Hier, on a ri un peu d'Emmanuel Bilodeau en jouant dans le volcan tranquille. Ben oui, je comprends. Le volcan tranquille, c'était pas bon. Or, l'héritage, c'est un excellent téléroman. Mm-hmm. Évidemment, la langue de VLB. Oui. Cette histoire vraiment fascinante qu'on a revue il y a pas tellement longtemps. Et audacieuse, hein, quand même. Oui, audacieuse, totalement. Un grand, grand, grand téléroman qui a été diffusé entre 87 et 90. Ouais. La scène qu'on a choisi d'interpréter, c'est dans la dernière année, je pense, de la série, parce que Xavier Galarneau, votre père, Gilles Pelletier, est décédé. Oui. Myriam revient dans la famille après avoir quitté pendant une vingtaine d'années, je pense, pour une espèce de mystérieux secret qu'on découvre à peu près à cette même époque-là. Qu'est-ce que Jean-Philippe? Non, mais je vous écoute avec intérêt. J'en parlerai comme ça pendant des heures. Ben non, je sais, je vous écoute. Et là, donc, c'est une scène entre vous, Yves et Myriam. Oui. Ça se passe au petit matin, alors qu'elle veut faire construire. Alors, je jouerai le rôle de Junior, de Yves Degagné, oui. Et je serai Nathalie Gascon. Oui. Je serai Myriam. C'est un rêve d'enfance, je crois. J'ai toujours rêvé d'être Myriam Galarneau. Non, mais sans blague, on discutait de ça dans le bureau vendredi dernier, et Jean-Sébastien me dit « J'aimerais beaucoup jouer Myriam Galarneau. » En fait, non, j'aimerais beaucoup jouer Nathalie Gascon. Oui. Eh bien, son rêve deviendra oui, réalité. Oui, mais j'avais le choix entre ça ou votre sœur, mais je trouve que le personnage de Myriam oui, était plus... Julie, attendez-moi juste une petite seconde. Oui, parfait. Alors, vous êtes prêts? Oui! Place au théâtre! Je prendrais bien un autre café, moi. La cafetière est sur le comptoir. T'as rien qu'à t'en servir. C'est toi, femme de maison. Ça t'appartient de le faire. OK. J'ai changé d'idée. J'en veux plus de café. Junior, prends-moi pas pour une dinde. Je sais que tu joues un petit jeu avec moi. C'est de même depuis que t'es revenu à Montréal. Avant, ni Judith, ni Julie, ni toi, vous mangiez ici. C'est à peine si vous rentriez dormir. C'est à quoi que tu t'amuses exactement? Je m'amuse pas. C'est peut-être juste que mes yeux se sont ouverts puis que ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Judith puis Julie pensent la même affaire que moi. J'ai engagé Moïse pour qu'il soit le contremaître de l'écurie que je fais bâtir. Il devrait déjà dehors depuis un bon moment, d'ailleurs. Je pense que ce serait le temps que tu t'expliques. You bet, esti, qu'on va la reprendre, la discussion. Si on t'aimait pas, penses-tu qu'on t'aurait pas déjà empêché de commencer la construction de l'écurie? Tu penses rien de ce que tu dis. Si Miville, Julie puis toi, vous aviez pas fait valoir l'injonction, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous de tout ça. Mais ça change rien pour moi. Il n'y a pas une force au monde qui va modifier quoi que ce soit dans ce que j'ai déjà décidé. Puis c'est pas tes petits regards en travers puis ton ironie débile qui vont changer grande affaire là-dedans. Et que Staline se le tienne pour dire à ce petit toasté des deux bords. Alors les gens auront compris que c'était une comédie de situation légère. Hein? Mais vous êtes bon. C'était court, il me semble, pour la présentation. Mais c'est tellement fait, bien écrit, on se laisse bercer. Il n'y a pas de talent là-dedans. Jean-Sébastien, t'es une Nathalie, t'es une Myriam exceptionnelle. C'est une des bonnes Nathalie Gascon. Et je me suis reconnu. Je me suis reconnu en Fred. Ouais. Merci. Le petit ton cassé. Ah oui. Que vous n'avez pas perdu d'ailleurs. C'était bon. Un asti toasté des deux bords. Ça, c'était une des plus belles phrases de la télé québécoise, quand même. On s'ennuie de ça. Jean-Sébastien, vous allez peut-être en faire une autre la semaine prochaine, un petit bout de l'héritage. Pourquoi pas faire une saison complète? Moi, je rêve de faire Xavier Galarneau. Faites-nous votre imitation. Non, je m'en vais pas les étoiles. La semaine prochaine. En attendant, c'est le retour de notre ami Serge Quelque Chose en direct de Hong Kong. On écoute et vous restez avec nous. Oui, je reste avec vous. Salut, c'est Serge Quelque Chose en direct de la grande vente finale d'Hong Kong, la pseudo-démocratie chinoise. Bienvenue dans le plus gros marché aux puces de la Terre où tous les parapluies sont en spécial. T'aimes ça les cossins cheap en plastique? Ben arrête de niaiser! Puis achète-toi l'île avec le siège social de Dollarama pour des peanuts! Oui, on a de tout pour tous les portefeuilles. Building gigantesque, casino monstrueux, manifestants chialeux pas contents d'avoir des élections démocratiques où les candidats ont été choisis par le Parti communiste. Gâte-toi, tout est à vendre. À 2 heures de vol de la place Tiananmen, Hong Kong est le terrain de jeu idéal pour venir t'entraîner à taper dans le tas. Sur place seulement, portrait grandeur nature des grands héros de la Révolution, comme le célèbre Mao Tse-bin, l'inventeur du numéro 2 pour emporter, et Ipa Chow, l'homme derrière l'indice Humidex. Venez vous bourrer la face de poulet Général Tao et laissez le Général Tao vous bûcher la face après. Si vous passez avant 21h, on vous remet un petit livre rouge de Mao Tse-kun que j'ai pas eu la chance encore de lire, mais tout le monde ici se l'arrache. C'est pas tous les jours que tu peux t'acheter des restants d'indépendance, la grande vente finale d'Hong Kong, parce que le régime chinois, ça finit par être dur à digérer. Oh! Regardez ce que dans ma besace! Ouh! Eh bien, Jean-Sébastien a une besace qu'il remplit chaque semaine. Oui. Et il vient nous vider ça tous les dimanches. Vous avez récolté quoi, Jean-Sébastien, beaucoup cette semaine? Beaucoup de choses. Elle est plus pleine que jamais. Et je commence avec un objet qui va nous prouver encore une fois qu'Yves Desgagnés, c'est plus, effectivement, que Roméo et Juliette. Ah oui, ah oui. J'ai donc ce manuscrit ici qui est publié aux éditions Trois Pistoles qui s'appelle Le Nombril du Monde. C'est une pièce de théâtre écrite par Yves Desgagnés. Je pense pas que vous aviez ça dans votre dossier de recherche. Il était bon au monde, Jean-Philippe. Ah non, moi, c'est à peine. Si... Je viens de naître, hein. Faut pas se tromper. Et regardez, Jean-Philippe, c'est dédicace. C'est par Yves et ça date de 2000. Ah! Oui, mon c'est une Dieu. Pièce que j'ai lue, que je n'ai pas vue malheureusement, qui a été produite au Théâtre Jean Duceppe en 1997. Vous étiez le metteur en scène. Oui, prenez-la. Ben oui, pour une fois, c'est. Pour une fois, et pour j'ai les gens. Véritable objet. Le, ouais, les gens à la maison, sachez-le, c'est le véritable objet. Donc, oui. C'est le vrai livre, Le Nombril du Monde. Donc, la Yves Desgagnés. Oui, voilà, aux éditions Trois Pistoles, sur scène, ça mettait en scène Maud Guérin, Rita Lafontaine, La Regrettée, Hélène Loisel, entre autres. Et là, je le dis sans aucune ironie, j'ai adoré lire. Cette pièce-là. Ça, c'est une espèce de mise en abîme. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Jean-Philippe. Donc, on était dans le théâtre, dans le théâtre. C'était une pièce qui mettait en scène les coulisses d'une pièce de théâtre. C'était le dernier soir d'une pièce qui s'appelait La tragédie de l'enfant perdu. Et on trouvait tous les personnages qui gravitent autour d'une production. La grande diva un peu folle, l'acteur vieillissant qui perd son texte, l'auteur un peu prétentieux, l'attaché de presse historique, la billeuse, le jeune premier, le metteur en scène, l'ouvreuse, etc. Et ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans, Yves, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'était très brillant. C'était... Non, je vous corrige. Ah, c'est ça. C'était c'est drôle. Ça. Il y avait un regard très lucide sur le milieu qui est le vôtre, en fait, puis qui faisait preuve de beaucoup d'autodérision. Oui, parce que c'était la rencontre en deux mondes aussi, ouais. Parce que le personnage principal qui était joué par Rita Lafontaine, ouais. C'était la mère d'un jeune acteur qui vient assister à la pièce de théâtre et qui s'ennuie pour mourir et qui trouve que c'est bien plus... et qui aboutit dans les coulisses et qui se dit, ben c'est bien plus fun ce qui se passe dans les coulisses que ce qui se passe dans la salle, parce que c'est plate pour mourir. Alors, c'est ça, c'était la rencontre entre l'Orient et l'Occident, quelqu'un qui n'est pas du tout initié au théâtre et qui découvre, en fait, ouais. Les coulisses. Et je ne sais pas pourquoi j'étais resté en tête que la critique avait été plutôt mitigée. Or, pas vraiment. J'ai lu des critiques ce matin. La critique était quand même assez oui, bonne. Bonne. Pourquoi oui. Vous avez arrêté d'écrire? Ah, j'ai pas arrêté. C'est que je fais bien des patentes, tu sais. Je suis dans toutes sortes de maudites patentes. Mais là, actuellement... Ben, lâcher la politique. Ouais, c'est ça. Je suis en train de compléter l'écriture d'une pièce, d'une nouvelle pièce. Ah, intéressant. Moi, je suis en train de compléter qui s'appelle Shed 14, gros scoop à Radio-Canada. Shed 14? Oui, et puis... Pourquoi Shed 14? Parce que Shed, qui est un hangar... Ouais. Hein, moi, je viens d'un milieu maritime et mon père était capitaine de goélette, il possédait une goélette. Et il était toujours accosté au Quai de Québec, au Bas-Saint-Louise, et à la Shed 14, ah ouais. Qui était son port d'attache. Et c'est une pièce qui se passe en 1967, le jour de l'ouverture de l'expo. Ah! Qui met en scène une hôtesse d'Expo 67. Mais allez-y, hein, allez-y, on a du temps. Alors non, je vais m'arrêter là. En train de compléter ça. Je suis en train de travailler aussi sur un scénario de film. Mais l'écriture, c'est comme à une autre place dans le cerveau. Ça demande du temps, ça demande du recul. Ben franchement, c'est une des belles besaces de Jean-Sébastien à date. Hein? Ah. Allez-y. Est-ce que vous aimez Diane Dufresne, Yves Desgagnés? On adore Diane Dufresne. Est-ce que vous avez écouté la magnifique entrevue qu'elle a donnée? Je l'ai manqué, Jean-Philippe m'en parlait. Oui, tantôt, je l'ai manqué. On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Elle avait de l'allure. Hein? C'était ah, ouais, beau ouais. De voir l'hommage que les Français lui ont rendu. Ouais. J'adore Diane Dufresne. En fait, elle a eu 70 ans cette semaine. On tout a beaucoup entendu parler, on a entendu certaines de ses chansons. Moi, a priori, je suis pas un fan fini de Diane Dufresne. Je reconnais l'immense talent, mais ce n'est pas un type de sensibilité non. Qui me rejoint, sauf une fois dans ma vie où j'ai été vraiment jeté par terre par un spectacle de Diane Dufresne. On en écoute un petit extrait. Oui, c'est moi qui lave les verres et les plats. On m'appelle une Marie, couche-toi là. Quand on me donne un penny, faut encore que je dise merci. Me v'lant en habit loqueteux, au fond de cet hôtel miteux, vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Mais ce soir, beau soir, grand. Ça, vous devez aimer ça, Fred. Ah, j'adore ça. Non, mais vous aimez pas ça, Fred? Que vile, exactement. C'est bien correct. Non, mais ça en prend pour tous les goûts. Hein. Ma mère dirait « Faites mieux ». Donc, c'est un album Diane Dufresne qui chante Kurt Weill, dirigé par Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre Métropolitain. À force de parler de lui, il va finir par accepter notre invitation de venir à l'émission. On l'a déjà parlé avec le Bruckner 3 la semaine dernière. C'est un spectacle que j'avais vu à la Wilfrid Pelletier, je crois, il y a quelques années. C'était vraiment un spectacle absolument formidable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça, c'est un extrait de l'Opéra de Katsu. Un spectacle vraiment formidable. Mm-hmm. Un répertoire qui est très peu repris, hein, souvent par des grandes, grandes interprètes. Ça a été revisité, entre autres, par Juliette Gréco, Pauline Julien, Monique Lérac. Mais elle a une façon de l'interpréter. Quand on l'écoutait sur scène, on avait l'impression que ce répertoire-là avait été créé pour elle, tellement c'était réapproprié vraiment cette œuvre-là. Il y a des que les Ességuins disaient c'est la seule interprète au Québec vraiment capable de faire ce disque-là. C'est disponible sur Étiquette Atma. Et pour moi, c'est la plus belle façon de souligner le 70e anniversaire de Madame Diane Dufresne. Mais, mais est-ce qu'on va la recevoir? Ben bravo! Je me posais la question. Vu qu'en France, on y fait un gros hommage, est-ce qu'on va y faire un hommage ici? Est-ce que tout le monde en parle, va la recevoir? Est-ce qu'il y a des grosses émissions? Est-ce qu'on a fait la demande pour la recevoir? Nous, on est à l'émission? Nous, on est une sacrée émission. Hein? Oh. Ah non? OK, d'accord. Passez à votre autre sujet. Voilà. Ouais. Mon dernier sujet, c'est un objet un peu insolite. Vous comprendrez pas trop pourquoi. C'est une boîte de biscuits, Jean-Philippe, et une boîte de biscuits au beurre qui nous vient vraiment de l'Angleterre avec des photos de la reine Élisabeth. Ici, j'ai le prince William qui tient son bébé. Vous allez me dire, pourquoi... Ouais, je vois pas les gens applaudissent. Mais il y a une histoire un peu surréaliste qui vient avec oui, Jean-Philippe. Oui, il faut entendre l'anecdote. Ouais. C'est une vraie anecdote. Hier, ça faisait 20 minutes que vous étiez à la salle de bain, Jean-Philippe. Il restait juste les trois gars ici. On était en train de répéter. Et là, je vois un homme en train de sortir du taxi à travers la fenêtre. Et on se dit, mon Dieu, qu'il ressemble à Jean-Martin Hossain. Et là, je dis, ben non, ça se peut pas. Il est en Angleterre, il est pas au Québec. Exactement. Et là, l'homme rentre avec un sac, avec un drapeau britannique. Et puis il nous dit bonjour les gars. Mais voyons, il me semble qu'il ressemble vraiment à Jean-Martin Hossain. Mais c'était Jean-Martin Hossain. Ben voyons donc. Qui nous dit allô les gars, j'ai quatre boîtes de biscuits pour vous, des biscuits au beurre. Il dit vous pourrez manger ça comme dessert pour les recettes dégueulasses que vous faites. Je suis comme ben voyons, ça tombait gentil. Il nous a serré la main et aussi vite, il est ressorti dans un taxi. Ça a duré à peu près 4 minutes. C'est vrai. Ben voyons donc. Une situation surréaliste. Alors il y a peut-être un coup d'État qui se trame à Québec. Et on distribuait des biscuits à nous quatre. Tout le monde, les quatre membres de la soirée est encore jeune. Ouais. Nous avons tous une boîte de petits biscuits au beurre. Ouvrez-la. Mais moi, j'en ai pas eu. Mais quelle était l'origine de quatre boîtes? Mais mon Dieu! On ne le sait pas. Alors, Jean-Martin Hossain, écrivez-nous. Pourquoi vous êtes venu? Pourtant, nous sommes tellement fédéralistes qu'on ne comprend pas pourquoi on a reçu ce cadeau-là. Je comprends pas. C'est ça qui m'étonne. Ils cherchent des votes, pas rien qu'un peu. Mais merci beaucoup. Ils sont délicieux. On croque là-dedans comme si on croquait directement dans une livre de beurre. Les quatre boîtes sont chez Jean-Sébastien. Je les ai pour tous. Merci beaucoup les boys. Merci. En attendant, on va justement aller voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec Olivier Niquet. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio Canada Première, une émission pas mal moins pourrie que le Phare de Montréal. La démocratie. Un des gros sujets dans le monde de la démocratie cette semaine, c'était sans contredit le transport de pétrole bitumineux sur le fleuve Saint-Laurent. La semaine précédente, Bernard Drinville talonnait le gouvernement à ce sujet-là, et ce même s'il avait un peu de misère à prononcer le mot « super-pétrolier ». Pour justement donner une réglementation qui est parfaite pour les super-pétroliers. Vous n'avez pas de problème avec ça, vous? Avec des super-pétroliers qui passent sur le fleuve Saint-Laurent? Bon, cette semaine, c'est Stéphane Bédard qui relançait la question au grand bonheur du premier ministre qui avait une réponse toute prête. Et nos collègues, à l'époque où ils étaient au gouvernement, ont accordé l'autorisation à la conversion de ces réservoirs. Surprise, oui, effectivement. Vaut toujours mieux s'assurer de n'avoir pas soi-même autorisé l'exportation du brut dérivé des sables bitumineux sur le Saint-Laurent avant d'attaquer ses adversaires. Mais il faut dire qu'à l'Assemblée nationale, les « c'est lui qui a commencé » sont très fréquents. C'est toujours la faute de l'autre. Et la plupart des réponses ressemblent à cette phrase de Jean-Marc Fournier du PLQ. Nous devons réparer le gâchis péquiste et s'assurer que la maison est propre pour l'avenir de nos enfants. Dit le gars du parti qui est passé 10 des 11 dernières années au pouvoir, qui veut beurrer le fleuve avec du pétrole et couper les congés parentaux. Mais bon, en démocratie, l'important, c'est pas de gagner, c'est d'avoir l'air de participer. Sinon, on se souvient, il y a deux semaines, le PQ avait tenté d'imposer sans trop de succès sa nouvelle expression « trio médico-libéral ». Mais cette semaine, Nicole Léger a innové en appelant le docteur Bolduc le ministre... Le ministre, bien connu chasseur de primes. Bon, l'exécution reste à peaufiner, mais c'est une belle image. Et d'ailleurs, notre bien connu chasseur de primes était encore sur la sellette cette semaine en raison des rumeurs de coupures en éducation. Rumeurs qu'il n'a pas perdu de temps à démentir, ben si j'ai bien compris, là. Ce ne sont que des hypothèses et je n'ai jamais mentionné ça, comme d'ailleurs la semaine dernière dans le journal. Dans les journaux, il y avait des mentions dans lesquelles je n'ai jamais dit par rapport au 1 milliard. C'est une fausseté, M. le Président. Il y avait des mentions dans lesquelles je n'ai pas dit par rapport au 1 milliard. Fait qu'arrêtez de le gosser avec ça, okay? Ça, c'est vrai. De son côté, Québec solidaire a continué avec ses grands clichés de la gauche qui ont été le sujet de leurs 4 questions depuis le début de la session parlementaire. Le pétrole sale d'Alberta. Aux banques et aux banquiers. La famille Desmarais, Power Corporation. Des pizzas pochettes. Bon, OK, les pizzas pochettes, c'est pas très représentatif de la gauche tant que ça. Quoique rouge en dedans, beige en dehors, ça fait un petit peu penser à Françoise David. Mais ça vient d'où, cette histoire de pizzas pochettes? Est-ce que pour atteindre l'équilibre budgétaire dès cette année, on va finir par donner des pizzas pochettes aux personnes âgées dans les CHSLD? Monsieur le Premier ministre. Remarquez le tonnerre d'applaudissements. En trois semaines d'observation de la démocratie, c'est la première fois que personne n'applaudit après une question. Manon et Amir dormaient sur la switch, visiblement. Gros débat aussi cette semaine sur l'industrie forestière. Le ministre Laurent Lessard avait de quoi rassurer l'opposition. L'industrie se porte à merveille et la demande pour le bois est tellement élevée qu'il a cru bon faire un appel à tous. Les scieries ont besoin de tout le bois, M. le Président, parce que pour les 6 prochaines années, il y a une amélioration du côté du marché américain qui fait en sorte qu'on puisse faire plus de livraisons au Québec. En terminant, j'invite toute la population à livrer du bois, à travailler dans la forêt, à faire en sorte qu'on puisse faire des récoltes. J'invite toute la population à livrer du bois. Et si vous ne savez pas où livrer, ben vous pouvez l'envoyer chez Fred. Ça fait assez longtemps qu'il nous gosse avec son chalet qu'il veut construire dans c'est le vrai. Nord. Ça, c'est vrai. Ou peut-être hein. À M. Dégagné pour sa chaîne de 14. Ah! Oh, vous êtes vite, mon ami. Ah. Sinon, vous, les garçons, est-ce que vous êtes amis avec Robert Poitier sur Facebook? Ah, non. Non. Non, parce que ça a l'air que son profil Facebook, là, c'est un excellent vecteur de démocratie. Terminant. Invitez la collègue à savoir qu'est-ce que je fais avec le fédéral, qu'elle aille sur mon compte Facebook. Bon, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur sa page Facebook et j'ai appris que vendredi, il inaugurait un abribus à Candiac et il y a eu 4 likes pour ça. Une autre fois, il a mangé une pomme avec Sylvie Bernier et il a participé à la 5e journée mondiale de la bière. Non, la démocratie ne prend jamais de vacances. D'ailleurs, on devrait abolir l'Assemblée nationale puis remplacer ça par Facebook. Ce serait peut-être la seule chance que vous auriez d'être élu, Jean-Sébastien, avec vos 1387 amis Facebook. 1087, hein? Non, 1380. Ah, mon Dieu! Ouais, franchement. Ils viennent tous dans le bar plus tard. C'est tellement superficiel, vos affaires de médias sociaux. Et ces amis-là se massent présentement pour entrer dans le bar pour prendre ce verre avec moi de 19h c'est à 19h30. Sinon, vous savez qu'il faut toujours dire Monsieur le Président à l'Assemblée nationale, même que certains s'en servent comme une virgule dans leurs interventions. Mais Monsieur Couillard, lui, des fois, il se trompe. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le gouvernement, je vais joindre ma voix à celle du ministre de la Santé qui s'est exprimé là-dessus. Eh oui, monsieur le gouvernement, si vous permettez, je vais m'arrêter ici, même si, comme dirait le bon docteur Barrette... Je pourrais répéter ad vitaernam aeternam. Exactement, je pourrais continuer ad vitaernam aeternam, mais je vais laisser la place aux autres et vous irez sur ma page Facebook pour lire le reste. Ben oui. Merci, Olivier Niquette. Avant de se quitter, nous reste une petite minute. Je sais que Jean-Sébastien a toujours plein de questions pour nos invités. J'imagine qu'il y en a plein pour Yves Desgagnés. Oui, les questions de nos auditeurs. La première question qui nous vient de M. Patrick Brunette qui dit « Si vous étiez un légume, lequel ce serait? » Et là, il écrit en parenthèse, vous aviez posé cette question-là à des kiwis et des hommes à Michael Ignatieff à l'été 2010. Oui, il avait répondu « Je suis une asperge ». Il avait répondu ça, il s'avait fait le tour du Canada. Pourquoi lui avoir posé cette question-là? Parce qu'on était au marché Jean Talon, et puis il était en pleine campagne, lui, pour se faire élire. Puis je lui avais posé la question, si vous étiez un légume, et je savais que c'était une question piège. Et vous, votre Alors, légume? Je suis une patate. Ah ben, ça sentait, ça. Merci, Yves Desgagnés. C'est déjà tout, mais est-ce que vous voulez rester pour l'autre heure? Écoute, je peux pas. J'ai une vie. J'ai une pièce à écrire. Bon, ben, on va aller voir votre pièce au TNM le 11 novembre. Mais réinvitez-moi. J'ai toutes sortes de choses à dire. OK, parfait. On va vous réinviter. Okay. Merci beaucoup, Yves Desgagnés. Merci énormément. Et nous, on va aux nouvelles, évidemment. Et on revient après la pause avec Mathieu Charlebois, avec Patrick Sénécal, puis plein d'autres affaires. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Bye! Pour la deuxième heure, toujours en compagnie de Fred Savard, Olivier Niquette, l'extraordinaire et merveilleux merveilleux Jean-Sébastien Girard. Hey! Mon Dieu, autant de compliments, si peu de réponses. Hein? Je vous en ferai plus des comme ça. Moi aussi, je vous aime. Et s'ajoute autour de la table notre nouveau chroniqueur Mathieu Charlebois. Ben, pas notre nouveau, notre vieux. En fait, vous êtes notre premier chroniqueur. Vous êtes ben le oui, plus vieux. L'original. Ah ouais, c'est vrai. Vous avez les tempes originales. On va recevoir dans quelques minutes Patrick Sénécal pour parler de ses sept nouveautés, là, comme 8 livres, 3 BD. Il y a toujours plein de trucs, hein, Patrick Sénécal. Mais ben, c'est ça, quelqu'un qui a du talent. Hein. Mais voilà. Des réponses à notre question du jour, Olivier. Oui, on rappelle la question. Quelles sont vos prédictions pour la saison de hockey qui commence? Ah, quelle bonne question. Je m'attendais à toutes sortes de réponses loufoques, mais pas tant que ça, finalement. D'abord, il y a Geneviève qui nous dit « Encore beaucoup de personnes s'approprieront les performances du Canadien en tentant d'établir des liens entre les gestes de leur quotidien et les victoires et les défaites. » Ça, c'est vrai qu'on fait ça. Hein? Mmh. Moi, quand je mets mes beaux souliers, Canadien gagne tout le temps. Sinon, David nous dit « L'équipe dont les joueurs porteront le parfum bois d'orage gagnera la coupe avec une sérénité virile. » Évidemment, ça, c'est en lien avec la petite article qu'il y avait sur moi dans la presse je de ce matin. Que oui, hein, ben que oui, je pense que oui. Vous avez dévoilé votre parfum avec mais c'est comme peu ça, de réticence, hein. Quand même. Il faut que... Ben, c'est normal. Hein. Sentir bon comme ça, c'est pas donné à tout le monde. On a aussi LPCI Mécanique Générale qui dit « Michel Therrien va garder son bronzage cuir de chameau, je sais pas c'est quoi, toute l'année et va porter au moins deux vestons jaunes. » Ah, bien, je vous remercie. Et ça, c'était les meilleures réponses. D'accord. Ouais. On a reçu un courriel il y a quelques instants, en fait, et ça vient de Balado 0420. Je dis ça parce que la semaine dernière, en fait, je vous lis le courriel, vous allez comprendre. « Mille excuses à la soirée est encore jeune. » Quand on reçoit des excuses comme ça, je les lis tout le temps. Et ça dit donc, le 28 septembre dernier, je vous ai fait parvenir un tweet vous remettant en pleine face que votre annonce télé disait, entre autres, et je me cite, « Pas de musique alors qu'une chanson jouait à l'émission. » Après avoir revu la publicité aujourd'hui pendant les coulisses du pouvoir, je me suis aperçu que la dite publicité dit plutôt, et je la cite, pas de hit. Et voilà. Alors voilà. Alors mille excuses à la soirée est encore jeune, car effectivement, ce que vous diffusiez n'était pas un hit. Et loin de là. Alors mille excuses encore une fois. Et là, Balado, c'est-tu son vrai nom? Non, son vrai nom, c'est Yannick. Ah. Avec deux Y. Hein. Oh. Hey, ah. Au Scrabble, mon petit gars. La météo ainsi que la circulation. Une chance qu'on rajoute pas une troisième tâche, hein, un segment. C'est pas méchant Bernard aussi. Alors, on a eu des auditeurs qui nous ont écrit, Sébastien, si vous passez par Napierville en Montgolfière ou si vous pratiquez la lévitation, faites attention parce que les oiseaux migrateurs ont commencé à circuler en grand nombre. J'en ai entendu, mon jeu, cette semaine. Arrêtez donc. Oui, c'est très beau. À Rosemont? Oui. Ah, mon Dieu. Tristan qui nous dit trafic fluide au caucus du Bloc québécois. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est difficile d'avoir un embouteillage. Richard Renaud, écoutez ça, la belle poésie. Au lac Saint-Jean, en ce moment, les oies blanches sont bien calmement installées, silencieuses, dans les champs, sur les rivières et sur les lacs. Au soleil couchant, vers 18h30, quelques-unes s'envoleront vers le sud, provoquant un léger bouchon aérien. Si jamais elles passent par Montréal, ce ne sera sûrement pas pour ce rendez-vous qu'a lancé Jean-Sébastien Girard, malheureusement pour lui. C'est quand même bien. Et là, il y a aussi, là, pour montrer que je suis bon prince, il y a Jonathan qui nous écrit pour dire « L'ego de Fred Savard bloque la 40, on attend qu'il vienne le récupérer. » Franchement. Ah là, vous devriez pas applaudir. N'applaudissez pas, franchement, là, ça c'est un manque. Les gens sont méchants. Il y a des gens dans notre public qui si jamais ils se mordent la langue, vont s'empoisonner, je suis sûr de ça. Et Jordan Roy, prenez note qu'il n'y a pas trop de trafic dans le rang 6 à East Broughton. Par contre, prenez garde, il y a des traces de break où le rang devient garnotte car un jeune est venu faire des bangs en 4 roues. Ah, ben oui. Ça nous rassure. Dans certaines régions, on dit faire des guidounes aussi. Quand tu fais des tours avec ta voiture pour faire des traces de pneus. Ouais, voilà. Des quoi? Des guidounes. Okay. À Saint-Majorique. Est-ce que vous avez retrouvé les gens qui étaient sur le pont Champlain, peut-être? Non, j'appelle, ça sonne. D'après moi, il y a un problème, je ne sais pas. Mais j'ai oublié de dire, Pierre Chauvin, qui sur Twitter me demande de la météo de Whitehorse, et je vais lui donner à l'instant, il fait 6 degrés, il pleut et il y a du soleil en même temps. Toujours une malheureusement, il n'y aura pas l'arc-en-ciel, il ne fait pas assez chaud. Ah, ben, je vous remercie beaucoup, Fred Savard. En attendant, encore une job pour vous, présentez notre prochain chroniqueur. L'austérité n'a pas frappé son inspiration cette semaine. Voici la chronique de Mathieu Charlebois. Mathieu Charlebois, ça faisait tellement longtemps qu'on ne vous avait pas entendu à l'émission. Mais certains, mes cheveux ont eu le temps de pousser. Ça, c'est vrai, ça. Vous venez pas tant que ça. Allez-y avec votre chronique de la semaine. J'ai pu comprendre que ce qui vous a intéressé, c'était les ballons et toute l'austérité. Oui, ben c'est le gros sujet. Mais avant ça, tout d'abord, j'aimerais commencer ma chronique en soulignant le déchirant départ d'Hélène Zakaïb, maintenant ex-députée péquiste, qui a quitté la vie politique lundi pour aller sauver un fleuron de l'agonie québécoise. Pendant ces 2 années et quart assiégées à l'Assemblée nationale, l'engagement l'engagement profond et durable de Mme Zakaïb a vraiment laissé sa marque et j'aimerais qu'on rende hommage à sa contribution à la vie publique avec une petite minute de silence. Ah oui, on lui doit au moins ça. Alors, une minute, on commence. Bon, je pense que c'est assez. Oui. Hein, si ouais, ça ne les dérange pas, elle, de quitter son poste après un huitième de mandat, je vois pas pourquoi on se sentirait mal de pas se rendre jusqu'à la fin de notre minute. Ça, c'est bien vrai. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, mon sujet principal pour ce soir, l'austérité. Ces temps-ci, hein, l'actualité est très, très dure. Hein. Dans les nouvelles, ça parle de gens qui coupent, de gens qui découpent, des gens qui manquent totalement d'humanité, qui n'ont pas de compassion. Puis quand ils ont fini de nous parler du procès de Magnotta, ben, ils nous parlent des coupures du gouvernement. Ouais. On n'a vraiment jamais de pause. Franchement, ça là, c'est pas le genre d'humour qu'on fait ici, hein, Jean-Sébastien. Je ne pratique pas cet humour-là. Non. Bon, toujours est-il que l'austérité touche tout le monde parce que, comme Philippe Couillard aime bien le répéter, tout le monde doit faire sa part. Et puis, ben, tant pis pour toi si c'est tout ce que tu avais, une part, parce que bon, faut que tu la fasses. Mais il y a un endroit où l'austérité frappe encore plus durement qu'ailleurs, et c'est chez les chroniqueurs politiques de la soirée est encore jeune, parce que c'est vraiment pas facile ce qu'on vit, moi. Ouais, c'est ça que j'allais me dire. Vous êtes pas beaucoup dans votre gang, là. Non, mais c'est dur quand même, parce que justement, je peux pas partager avec les autres, là. Ah, d'accord, je passe toute ma part. Oui. Une journée, on nous annonce que les conservatoires vont fermer, que tous les musiciens des régions vont venir quêter dans le métro en jouant le maudit boléro de Ravel. Je me fâche, je me jette sur mon clavier, chlac, j'écris une chronique fâchée, et puis bang, le lendemain, la ministre Hélène David trouve ça inacceptable, puis elle annule tout ça. Une autre journée plus tard, on nous apprend que le Québec est dans le trou à cause des handicapés intellectuels qui vivent grassement avec le 4,30$ qu'on leur donne. Hey, 4,30$? Ben. Et avoir su, là, je serais devenu handicapé au lieu de devenir chroniqueur. Ben. Mais je suis devenu chroniqueur. Seigneur. Et comme je suis chroniqueur, mon clavier, schlac, j'écris une chronique fâchée, puis le lendemain, paf! Gaëtan Barrette apprend ça, il commence par se demander ce qu'on peut bien acheter avec 4,30$ en 2014, et ensuite il trouve ça inacceptable, puis il annule tout. Et là, ça devient très, très mélangeant tout ça, ça devient extrêmement mêlant, parce que ce qu'on pensait vrai un jour devient complètement faux le lendemain. C'est ça qui arrive, hein? Comme par exemple, tout le monde pensait que Pierre-Carl Péladeau était un ennemi des syndicats, propriétaire des médias populistes ouvertement à droite, mais non! Pierre-Carl Péladeau est récemment devenu Pierre-Karl Marx, défenseur de la gauche et de l'État. Mais oui, le bon ami de Marc Laviolette, en plus. Ben absolument. Ses détracteurs l'accusent de courtiser le vote de gauche au PQ, mais pour ma part, je pense qu'il courtise plutôt le vote amnésique. Et ça risque de lui donner une bonne longueur d'avance sur ses adversaires, parce qu'au Québec, l'électeur pas de mémoire, c'est une ressource naturelle, renouvelable et abondante. Mais revenons aux ministres qui font le saut quand ils apprennent qu'ils ont eux-mêmes demandé à leur ministère de faire des compressions. C'est rendu qu'à chaque matin, je me demande, bon, je lis-tu le journal aujourd'hui ou je fais juste attendre qu'un ministre chicken annule ce qui est annoncé en une? Tu sais, parce que ça me prend du temps, moi, lire le journal. C'est un peu comme Lise Thibault. Je lis pas le journal comme un citoyen ordinaire lit le journal, mais comme un chroniqueur à la radio d'État lit le journal. C'est beaucoup plus long. Mais pour m'amuser quand même, j'ai commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Devine la balloune. Ah, ça doit être le fun. C'est super le fun. C'est un jeu qui consiste à essayer de prédire le prochain ballon politique qui va outrer un ministre. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir dans le journal du lendemain? Okay. Sachant que je m'en venais ici, j'ai fait ma provision de balloon pour la semaine et donc j'aimerais vous livrer mes prédictions de balloon pour la semaine qui s'en vient. Allez-y. Alors, balloon du lundi, je commence soft un peu. Installation de péage sur les trottoirs, parce que les automobilistes, hein, ils payent assez comme ça, il est temps que les piétons fassent leur part aussi. OK, bon. J'aimerais ça. Balloon du mardi. Oui. Une commission scolaire cesse d'acheter des ciseaux pour gaucher dans ses cours d'art plastique, parce que c'est pas la majorité de payer pour les extravagances d'une petite minorité. Et ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est vrai. Je sais que, près de savoir, vous êtes gaucher. Moi, je suis gaucher, mais dans mon temps, les ciseaux gauchers n'existaient pas, donc j'ai appris à couper de la main droite. Ben voilà, ben voilà, qu'ils fassent pareil. Au lieu d'acheter 300 petits ciseaux verts, là, pourquoi on n'achète pas juste une règle pour le prof? Ça tape sa main quand ça arrive. Semble que ça fait un job. Balloon du mercredi, le ministère de l'Environnement au complet est remplacé par un seul fonctionnaire avec un étampe approuvé. Ah, ben oui, ben oui. Hein? L'affaire arrive à son bureau, approuvé, puis on passe au prochain. C'est pas comme si c'était vrai. Les autres, je sais pas à quoi ils servent exactement. Hein? C'est tout le temps ça qu'ils font. Balloon du jeudi, on coupe les subventions de l'Orchestre symphonique de Montréal et l'OSM au complet est remplacé par Mego et son synthétiseur. Ben, hein? T'sais. Si c'est assez bon pour Céline Dion, je suis sûr que Kent Nagano peut s'arranger avec ça. Qui fait plus d'argent par année, Kent Nagano ou Céline Dion? Ben voilà. Céline, parce qu'elle a juste Mego. Bon. Exactement. Balloon du vendredi, Télé-Québec est rebaptisé Radio-Québec et devient une balado-diffusion mensuelle. Ça, c'est bien en masse. Honnêtement, là, on dit toutes la même chose dans tous ces shows-là. Puis bon, on leur passera en reprise dans l'iPod des gens tout le reste de la semaine. Exactement. C'est ça qu'on fait. Et pour le samedi, la balloune, ce serait un petit fantasme à moi. Une suggestion que je fais pour augmenter les revenus de l'État. On facture 5$ à Yves Bolduc chaque fois qu'il dit une phrase qui ne tient pas debout. Et avec ça, d'après moi, la dette publique est remboursée d'ici 2017. Ah ben merci beaucoup, Mathieu Charlevoix. Merci beaucoup. C'est grand plaisir. Jouez à ça à la maison, là, devine la balloune, c'est super le fun. Faites ça en famille, faites ça en groupe, partez un hashtag sur Twitter. Parce qu'il faut en profiter pendant qu'on a encore les moyens de réduire le gouvernement. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit coupé bien. Merci Mathieu. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des idées pour des balloons, envoyez ça à Olivier Niquette. Ben non, pas nécessairement Olivier, mais sur la soirée. Hein, ben puis oui. Vous nous rapporterez ça plus tard dans l'émission. Peut-être. Il nous reste quasiment 20 minutes. Peut-être. OK, hey, Fred, est-ce qu'on passe à notre deuxième invité de la soirée? Auteur et scénariste d'histoires scabreuses, il se lance maintenant dans la BD. Accueillons le sanguignolant Patrick Sénécal! Patrick Sénécal, bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur de recevoir Patrick Sénécal. Bonheur partagé, écoute. Ah, c'est vrai? Oui, oui, ah, oui. Vous êtes donc gentil. Ben oui. Ça m'arrive. Ben rarement. Mais quand même, je regardais qu'est-ce que vous faisiez de ces temps-ci. Quatrième tome de Malface qui vient de paraître. Oui. Grande liquidation. Votre première BD avec Tristan Demers. Oui. On parlera de Tristan Demers tantôt. Mais Salle Canal qui sera en librairie le 5 novembre. J'en ai lu la moitié. On en reparle tantôt. Toujours porte-parole de Peur des peaux, ouvert jusqu'au 2 novembre. Je suis allé cet été. Hein, c'est pas des niaiseries. Hein. Le recueil de textes érotiques nus auquel vous avez participé, qui est en librairie depuis quelques jours. J'ai déjà pratiqué l'érotisme. Et le recueil de textes des Nouvelles du Père, collectif sorti en juin 2014. Vous êtes très produit. Vous êtes le Stephen King québécois un peu. Hein? Ouais. Ouais, si on veut. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans, comme la nouvelle. Les nouvelles, c'est quand même pas. Ça prend pas des mois à écrire. Mais oui, j'écris assez vite. Ceux qui m'aiment pas vont dire que ça paraît, là. Mais, hey, non, mais ce serait pas moi, ça. Hein? Non, bien sûr. Mais commençons avec Malface, parce que ça a pogné pas mal. C'est votre quatrième tome, dernier tome. Et dernier, oui. Ouais. Il paraît que vous adorez les fins spectaculaires. Évidemment, je ne l'ai pas encore lu, celle-là. Ouais. C'est une méchante brique. Mais votre fin, c'est quoi? Juste pour que les gens se placent un peu. Non, on n'a pas tous le temps. Ben, c'est fini, qu'il se réveille, le personnage principal dit « Oh, ouf, ce n'était qu'un rêve. » Ça serait-tu niaiseux, ça? Ça serait niaiseux. Non, mais j'ouvrais quand même ce livre-là. Et j'ai remarqué que vous aviez deux citations pour débuter l'écriture de ce livre-là. La première, c'est une citation de Samuel Beckett qui dit « C'est le commencement qui est le pire, puis le milieu, puis la fin. À la fin, c'est la fin qui est le pire. » C'est ça. Mais la deuxième citation, c'est une citation de Stéphane Gendron. Stéphane Gendron sur sa page Facebook. Et c'est « Les tabarnaks d'étudiants, les crises, ça va finir dans le sang à un moment donné. » Là, vous allez m'expliquer pourquoi vous ouvrez un livre avec une citation de Stéphane Gendron et cette citation-là. Ben, c'est parce que dans le tome 4 de Malface, il y a la grève étudiante qui arrive en même temps. Donc, il y a des allusions à la grève étudiante. Et je pense qu'une des plus spectaculaires citations de cette grève-là a été faite par Gendron. Puis dans Malface, je ris de beaucoup de gens, beaucoup de personnalités québécoises que je nomme. Gendron, je pense que je le plante 3-4 fois dans Zéro complet. Donc, je vais lui rendre hommage en ouvrant mon livre avec... cette grande citation qui démontre toute son ouverture d'esprit, fait que ça me fait plaisir. Et c'est vrai que ça finit dans le sang. Il voulait que ça finisse dans le sang, alors dans mon roman, ça finit dans le sang. C'est, voilà. C'est le punch du livre. Il va être content. Ouais, c'est le punch. Colin. Ah, ben là, vous l'avez dit, qu'est-ce que vous voulez. En même temps, c'est pas super surprenant. Non. Vous aimez le sol, sinon vous êtes un gars de même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais là, ça, c'était de l'humour. C'était de l'humour et, et du gore, un peu. Donc, l'humour et horreur, c'est un peu un mélange. C'est le dernier tome. Est-ce que vous allez refaire de l'humour? Parce que ça a poigné beaucoup, ça, l'humour et l'horreur, finalement. Ouais, ben j'ai bien aimé ça. Dans la BD, il y a de l'humour aussi. Mais là, mon prochain roman, je reviens à un roman plus sombre. Il n'y aura pas d'humour, mais je ne dis pas non à faire d'humour un jour parce que j'en ai toujours fait un peu en parallèle dans plein de petits projets. Mais c'était la première fois que là, je faisais vraiment un roman avec carrément de l'humour, là, ouvertement appelé humoristique. Là. Puis j'ai eu du fun, puis ça a l'air que le monde a rigolé. Fait que ben, il y en a beaucoup de monde qui ont rigolé. Je ne suis pas trop imposteur, ça a l'air. Ça a beaucoup vendu, ça n'a pas autant vendu que Christine Brouillette. Je suis désolé. Hein. Parce qu'on l'a reçu il y a quelques semaines, puis vous êtes tout le temps deuxième quand on regarde les palmarès de livres. Je sais bien. Je t'avais d'écrire pour elle. Là. Je vais demander si je peux être ça a de l'air plus payant. Son ghostwriter. Mais vous savez, on l'a reçu il y a quelques semaines, elle nous disait qu'elle avait un petit côté dangereux, Christine Brouillette, et écrire lui permettait de canaliser cette violence-là qu'elle pourrait avoir en elle si elle n'écrivait pas. Ouais. Est-ce que vous êtes de ce genre-là? Est-ce que vous canalisez des émotions trop fortes? Ben moi, je pense que tous les écrivains font ça. Là. Je veux dire, moi, je pense pas que je serais un psychopathe si j'écrivais. Là. Je pense que c'est pas le... Mais c'est sûr que oui, c'est sûr que j'exorcise des choses très sombres, très noires. Je serais quelqu'un de plus déprimé, plus dépressif, je pense. Là, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai une vie très, très agréable. Je pense que l'écriture me sert justement à enlever tout le méchant puis garder un peu plus de bon dans la vraie vie. Mais quand vous étiez seulement prof, est-ce que vous étiez un grand déprimé? Oui, ben c'est ça, je battais mes étudiants. Non, mais quand j'étais prof, j'écrivais aussi. Là. Je publie depuis 1994. Donc, pendant que j'enseignais, il y a beaucoup d'expériences personnelles. Ben attention, il faut que je fasse attention quand je dis ça. Là. Ben non, mais c'est correct, allez-y. Hein, on est dans Malface 4, je pars dans un cégep, donc je me sers quand même de choses en tant que, qu'ancien prof, mais que j'exagère. Les réunions de profs, certains étudiants vraiment, vraiment imbéciles qu'il y a dans Malface, c'est des exagérations d'étudiants que j'ai déjà vues. Alors, ça m'a servi un peu, mais tout ça exagéré. Hein? Faut pas que personne essaie de se retrouver là-dedans. Là. C'est ce qui est intéressant dans la série Malface, c'est que vous utilisez un langage qui est utilisé pour le parler, en fait, c'est que c'est un langage qu'on comprend vraiment bien. Je vais juste vous donner une petite aperçu de la table des matières. Un des premiers chapitres, c'est « Crise de vie poche ». Je pense qu'il m'en veut encore. Faut pas qu'on me reconnaisse. C'est quoi le plan de match? Maudit bon timing. Ça, c'est des phrases qu'on n'entend pas dans la littérature, nécessairement. Ah non? Eh ben non. Honnêtement, non. Puis quand on lit le premier chapitre, j'ai lu le premier chapitre du quatrième. Bon, ça commence bien quand même, le premier chapitre. Oui, c'est bon. Il est assez rock'n'roll. Et honnêtement, je me dis, c'est une littérature qu'on voit pas souvent, mais c'est une littérature qui poigne énormément auprès des gens qui ne lisent pas. Je vous dis ça parce que ma mère est professeure de français dans une école pour adultes et elle vous adore parce que elle est capable d'introduire la lecture grâce à vos livres et à cette série-là. Ouais. Et je me demande si cette écriture-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en fait construite pour que les jeunes puissent s'intéresser non, à la lecture? Non, moi je nuancerais là-dessus dans le sens que les dialogues sont des dialogues québécois, mais tout ouais. ce qui est la narration, c'est oui. littéraire là. C'est pas. Mais moi, faire parler des personnages québécois qui sont des Québécois ordinaires là, qui sont pas des profs universitaires, les faire parler avec une langue, ouais. une espèce de langue qui n'existe pas. Moi, ça m'agace. Fait que le but c'est pas d'être démagogue, le but c'est pas d'être populiste. Parce que j'ai des non. personnages. Non. Il y a des personnages qui parlent quand même. Les Archacs qui parlent très pointu, mais je pense que je veux que les dialogues sonnent vrais. Alors, il n'y a pas là-dedans d'intention de... J'ai déjà... Quand j'étais jeune, j'écrivais mes premiers romans adolescents, j'écrivais en français international. Là, puis je me suis rendu compte rapidement que... On se pense tout le temps bon un peu. Ça hein? sonne, oui, on se pense toujours un peu bon, oui. Ouais. Puis je me suis rendu compte que ça marchait pas, que ça sonnait faux et... Fait que moi, je dis non, je vais écrire selon les personnages, selon leur degré d'éducation, selon leur personnalité aussi. Moi, ça me tient à cœur. Il n'y a pas là-dedans de complot pour plaire aux jeunes. Vous avez des romans qui ont été portés au grand écran? Est-ce qu'à oui. partir de ce moment-là, moi, ça me... Est-ce que vous écrivez, pas nécessairement en fonction de ça, mais est-ce que vous écrivez en vous disant qu'un jour, ouais. possiblement, ça va se retrouver sur grand écran? Ben, pensez au côté visuel, ouais. en fait, j'espère que non, dans le sens que l'écriture d'un roman, c'est tellement différent d'une écriture d'un film que si je me mettais à penser au film, je pense que je viendrais je me tirerais une balle dans le pied, finalement, parce que la liberté que j'ai quand j'écris un roman, elle n'a rien à voir avec quand tu écris un film que tu as des contraintes épouvantables. Peut-être qu'il y a consciemment un peu, j'espère que non, mais une des raisons qu'on m'a approché pour le cinéma, c'est parce que j'ai une écriture cinématographique au départ. Ouais. Mais quand tu écris le scénario, après, tu te rends compte qu'il n'est pas si cinématographique que ça, parce que t'as tellement d'affaires à changer, c'est l'enfer. Ouais. Mais j'espère que j'étais à l'abri de tout ça. En tout cas, consciemment, j'espère que non, inconsciemment, là, je ne le sais pas. Mais dans tous mes romans, je mets toujours des choses dans Malface, et des choses que ce serait impossible de mettre dans un film. Donc, je me dis que... Quelque part, j'essaie de faire abstraction de ça. Vous parliez de graphique, en fait, et de penser de façon graphique. Vous lancez une bande dessinée avec Tristan Demers, qui est votre première incursion en bande dessinée, je me trompe pas. Oui, de façon professionnelle, oui. Vous la décrivez comme ça, je trouve ça intéressant. C'est de l'humour baveux, un peu sanglant, un peu sexuel par moment. Pas autant que dans mes romans, mais tout de même trop cru pour les enfants. C'est un peu ça. Ça va être la lue, bon. Ça. On devrait mettre ça en arrière du livre. Je trouve ça résume assez bien. J'ai lu la première histoire. Ça me fait penser à du vieux Gottlieb. Ah, mon Dieu, ça? Je suis très content que vous dites ça. Pour vrai? Oui. Ah, ben ça, je suis bien content. Oui, parce que... 2-1 pour moi. Oui, c'est ça, c'est bon. Parce que moi, une de mes grandes... Ça, je vais pas dire ça en entrevue trop. Hein, ah, ben, allez-y, en parlez vous-même, fait que j'y vais. Ouais. Mais Gottlieb, moi, c'était une idole de jeunesse. Quand j'étais adolescent, justement, je tripais sur les rubriques à braque. C'est plus ça, tard, les rubriques à braque. Plus tard, on a découvert les fluides glaciales, Ralovely. C'est un peu plus trash, un peu plus pour adultes. Mais oui, y a c'est très old school comme BD. Hein. On veut pas réinventer la BD avec ça. C'est pas du roman graphique. C'est des petites histoires qui rient de la télévision, avec les dessins de Tristan en plus, qui sont des dessins très... très léger, là, très, c'est pas, très il va pas rien. Oui, ben oui, mais il a changé des choses un peu, mais c'est vrai que ça demeure un dessin très humoristique, très rond, tout ça. Puis nous autres, on a un humour qui vise les adolescents, jeunes adultes. S'il y a du monde qui dit ouais, mais vous inventez rien là-dedans, ça demeure léger, humoristique, sans, on va dire, c'est exactement ça l'intention, puis c'est vraiment pas plus que ça. C'est drôle, on a reçu Yves Pépeltier qui a récemment publié dans BD lui aussi, oui. On a reçu Stéphane Lafleur qui a fait la même chose, et on a posé aux deux la même question. C'est quoi le trip avec la BD? C'est quoi le trip avec la BD? C'est en 6, il y en a plein. Oui, puis pourtant, c'est tellement payant, la BD. Je sais pas pourquoi on va tout là-dedans. Hein? Il y a tellement d'argent c'est ça, à faire je me dis, tu sais. Mais moi, c'est Tristan qui m'a proposé. Tristan, c'est un ami de longue date. Puis il est venu chez nous à un moment donné. Puis je faisais le ménage dans mon bureau. Puis il a vu dans une de mes boîtes une vieille BD que, quand j'étais jeune, j'en faisais des BD moi-même avec les dessins. Vous dessiniez. Ça. Oui, ah, ouais. Je dessinais ça. Ouais. Ça, mais c'était assez clair quand même. Puis il a regardé ça, puis il a dit, écoute, tu sais comment ça marche, un langage BD? Quand même, je vois que la narration, tu connais ça. On devrait faire un projet ensemble. Puis j'avais jamais pensé à ça de ma vie. Puis j'ai dit, pourquoi pas essayer ça? Moi, depuis 3-4 ans, là, je suis dans une phase que j'essaye des affaires. Okay. On dirait que je veux aller dans des zones, sortir un peu de mes zones de confort. J'ai du fun. Puis je me dis, tant que j'ai du fun comme créateur, il me semble que je suis à l'abri d'une certaine stagnation. Je peux me casser la gueule en maudit, là, on verra. Mais se casser la gueule avec une BD, c'est quoi? C'est pas en vendre tant que ça, mais en même temps, c'est pas comme si vous alliez en vendre 30 000. Là, non, c'est sûr. C'est vrai que c'est assez safe comme projet. C'est plus comme chipper dedans plus que d'autres choses. Hein. Un autre des projets que vous avez essayé, dans lequel vous vous êtes lancé, c'est Peur Dépôt. Ouais. Ça, c'est. Là, je pars parole de ça. Mais vous avez écrit un des... en tout cas, scénarisé un des containers, en fait, une histoire dans laquelle on traverse. Je suis allé cet été... Une des stations, oui. Je suis allé cet été avec un de mes neveux. Quel âge de neveu, déjà? Ouais, c'est ça, de 5 ans. OK, ça a été une... 5 ans? Ouais. Hey, juste noter ici. On dit que c'est moi les responsables de l'histoire de même. En thérapie, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. J'aimerais seulement noter une chose. J'étais aussi avec le père de ce neveu-là et c'est lui qui a insisté. Ah, okay. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore la garde? Sans blague, non. Non, mais je l'ai vécu un peu sur les briques, hein, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il devait y avoir dans ce passage d'horreur-là. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est. C'est une autre offrande de la maison d'horreur qu'on voit normalement dans tous les... Et puis, les maisons hantées habituelles, vous voulez dire? Oui, c'est ça. C'est-tu trippant, faire peur au monde, mais pour vrai? Ben là, c'est ça. Le seul but, là, c'était pas de raconter une histoire, c'était juste de créer une ambiance de peur. C'est vraiment moi, ça. Moi, j'ai là. Jamais écrit juste en pensant à ça. Moi, mes histoires, il y a une histoire, il y a des personnages, il y a une intention. Là, c'était créer une ambiance d'un de tes romans. J'ai choisi Alice, puis j'ai pas voulu faire le saut au monde, j'ai pas voulu aller là-dedans. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait, de faire des bouts, tout ça. Moi, je voulais pas aller là-dedans, je voulais aller dans une ambiance malsaine. Ouais. Puis ce truc-là d'aller, je vais pas dire c'est quoi, là, mais dans ce container-là, il y a des gens qui font « bon, moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus soft ». Il y a des gens qui m'ont dit que c'est ça qui les a plus terrifiés, parce que ça dépend de quoi t'as peur. Ben, c'est ça. Si t'as peur des morts, si t'as peur des morts, ben mon affaire va faire peur. Mais sinon, tu vas... Ça dépend vraiment de... Chaque personne, quand il va dans Peur des pots, n'a pas peur des mêmes trucs, n'a pas peur des mêmes choses. Ça, c'était ça l'idée, c'était de diversifier. Fait que moi, j'ai eu bien du fun à écrire ça, mais de là à dire que j'en ferais une écriture, écrire une maison hantée au complet, non, je pense que le côté narratif me manquerait. Là. Vous êtes mais très bon, en tout cas. Ben, merci. Vous êtes très bon pour faire peur aux enfants de 5 ans. Oui, pas c'est juste ça. Là, vraiment. Moi, je c'est pas facile de faire ça, faire peur à des enfants de 5 ans, c'est tough. Non, avec monsieur. Avec tout ce qui écoute à cette heure, effectivement. juste avant qu'on termine cette entrevue-là, je sais que vous avez participé à un recueil de textes, un recueil de nouvelles nues. Ça s'appelle, en fait, qui est un recueil de textes. Non, j'ai pas participé nu, là, c'est le livre. Oui, non, mais j'imagine okay, ça. Ben là, en même temps, c'est pour vous, hein. Je sais pas, ça nous garde pas, ça. Peut-être que vous voulez. Peut-être que vous écrivez comme Balzac, là, tu sais, en grande robe de chambre tout nu le matin. Mais c'est pas mes affaires. Comme Hugh Hefner, en fait. mais votre nouvelle s'appelle Baisse fondatrice. Oui. Ça raconte quoi? Je veux juste savoir au moins qu'est-ce que ça raconte, parce que j'ai pas eu la chance de lire. C'est un gars, il est adolescent au début de la nouvelle, il est dans un party d'école. Il est 6h30 dimanche, juste vous le dire. C'est ça. Non, je n'irai pas trop loin. Il y a une quinzaine de personnes, il est sous, à un moment donné, il va dans un local, puis il y a une fille qui vient le rejoindre, il fait noir, il voit rien, et il y a une relation sexuelle avec elle, il n'a jamais vécu quelque chose d'aussi extraordinaire. 20 ans plus tard, il se rend compte qu'il n'est pas capable de retrouver cette espèce de oomph-là hallucinant. Donc, il retrouve les 7-8 filles qu'il y avait dans ce party-là, sur Facebook, il décide de coucher avec elle pour essayer de savoir c'est laquelle, de la retrouver. Voilà. C'est aussi niaiseux que ça au départ. Mais est-ce que ça finit dans le sens? Ça se prend pas au sérieux. Okay. Ça finit pas dans le sens. C'est très humoristique, c'est très ludique et il y a un punch. Moi, je vais écrire une nouvelle érotique avec comme qu'on un écrit punch? Une vraie nouvelle. Dans le sens que la littérature. Oui, un punch. La littérature érotique, en général, m'ennuie parce qu'il n'y a pas d'histoire. C'est ben juste non. Ça. Bon. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait une narration, une histoire. Un gars un peu macho que ça va se revirer contre lui, évidemment. Puis avec une chute, comme dans les vraies nouvelles. J'ai eu bien du fun. On dirait que dans une histoire érotique, on se doute du punch. Enfin. Non, mais. Non? C'est... Ben, en tout cas, on peut le voir venir, mais je pense. Oh, il est 6h30. Oui, vous m'aviez prévenu. Il y a mon neveu de 5 ans qui écoute. Il est en hôpital psychiatrique depuis ce temps-là, franchement. Mais vous restez avec nous. J'espère. Ben certainement. Ah, oui. Parfait. Parce que vous savez ce qui se passe, c'est que dans quelques instants, Fred va mettre son chapeau de professeur, il va nous raconter une histoire. OK. OK? Oui. OK, parfait. C'est parfait. L'histoire. soir pour le Y, avec le professeur Frédéric Savard. Je m'habitue pas. Non, moi non plus, je m'habitue pas. Professeur Savard, oui. Vous nous racontez l'histoire de quoi cette semaine? Vous saviez que c'était les 20 ans de la fermeture de la station CJMS, Jean-Philippe? Ça vous dit sûrement rien, mais c'est une station sur la bande AM. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire l'histoire de l'invention de la radio, maudit. Hey. Hein? Médium fabuleux, le seul qui nous permet de nous exprimer et de bien vivre. Et vous savez que si jamais un jour une guerre nucléaire s'abat sur nous, il y a trois choses qui vont survivre. Ouais. Les coquerelles, la radio et Éric Lapointe. Alors je me suis dit... Ça pourrait être le fun de tracer... Question comme ça, qui a inventé la radio? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ignore à ce sujet souvent. Ah ouais? Ouais. À votre avis, qui a inventé la radio? Eh mon Dieu, vite de même, je dirais... vous me prenez... Marconi? Mais non, ce n'est pas Marconi. Okay, l'italien parfait. Marconi, c'est... Le réel inventeur, en fait, c'est Reginald Aubrey Fessenden, savant et professeur né à East Bolton, en Estrie. C'est un Québécois. Vous savez que si vous visitez Radio-Canada, oui. Dans le sous-sol à Radio-Canada, vous allez voir une citation de Fessenden. Tout à fait. Et je crois que c'est un nom complètement ridicule. Il est un petit peu tassé de l'histoire. On a attribué ça à Marconi parce que les deux travaillaient sur le projet. Ah. Marconi était extrêmement bien financé par des industriels américains, entre autres. Et Fessenden était professeur et a dû s'exiler aux États-Unis également pour poursuivre son œuvre. Mais c'est vraiment lui le premier, en fait, le 20 décembre 1900, qui a réussi à transmettre... 1899. Réussit à transmettre des sons gagnards dans son laboratoire aux États-Unis. Laboratoire. Les sons gagnards. Gagnards. C'est pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi, c'est un peu comme quand cœur de pirate chante. C'est un petit peu comme ça. 23 décembre 1900, Fessenden reprend son expérience dans un champ avec deux tours. Oui, oui. À distance d'un mille, transmet la voix humaine. Première fois que la voix humaine, en fait, est transmise. Et en 1906, va diffuser la première émission radiophonique. Évidemment, à l'époque, tout est expérimental. Il y a un petit studio chez lui à Plymouth, au Massachusetts. C'est quoi la première émission, 1906? En fait, il n'y a pas de nom. L'émission n'existe pas. C'est pas la semaine prochaine. Mais il a diffusé. Et c'est, non. Okay. Non, mais j'aurais cru. Non, c'est la veille de Noël. Une émission vocale et musicale de quelques minutes. On y a fait jouer le premier disque de l'histoire de la radio. Une pièce College Life. Et il y a des bateaux dans les Bermudes qui ont entendu l'émission. Parce qu'il y avait déjà eux des. Ils pouvaient entendre, ils pouvaient capter les signaux. Ah parce oui. que ils avec votre bouche. Ils communiquaient avec. Le Morse. Bon! Seigneur! Excusez-moi. Marconi, d'ailleurs, c'est lui qui a inventé le télégraphe, mais pas la radio. Alors, on pouvait pas entendre la voix. C'est vraiment Fessenden. 1918, Marconi, évidemment, comprend le potentiel énorme de la radio et se met à fabriquer. Des petits récepteurs qui, à l'époque, étaient immenses, évidemment. Des petits récepteurs immenses. Lui a voulu les miniaturiser. Ah ouais, voilà. Parce qu'il y avait pas les haut-parleurs n'existaient pas. Ça prenait des écouteurs très rudimentaires. Et c'est au Canada, en fait, qu'il va créer le premier laboratoire d'essai parce que les lois en Europe, parce que Marconi est italien, l'empêchaient de se servir des ondes parce qu'elles étaient. Il y avait des restrictions à cause de la guerre. Ben oui, donc, c'est à Montréal en 1918 que la Marconi Wireless Company s'installe sur la rue Williams et rapidement, on va créer la première station de radio au monde avec les lettres d'appel XWA. 1919, le ministère de la Marine demande de changer les lettres parce que ça ne représente pas assez le Canada et il va les changer pour CFCF. Qui existe toujours aujourd'hui et qui est vraiment le canal 12 en anglais. Peu d'auditeurs au début. On diffuse les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h et le samedi de 20h à 22h30. En fait, on diffuse pour les magasins électroniques qui vendent les premiers appareils. C'est juste pour ça qu'on diffuse. Fait qu'on est encore dans l'expérimentation. Les récepteurs sont extrêmement coûteux et peu pratiques. En fait, c'est une planche avec une bobine de cuivre, un curseur, un petit morceau de galène, qui est la sulfure de plomb. Et il faut promener une aiguille et souvent, on tombe même pas sur la bonne fréquence. C'est vraiment extrêmement expérimental. 1922, on crée la première station francophone en Amérique du Nord et peut-être au monde. Parce que là, il y a deux batailles entre Paris. On a installé une antenne en 1921 sur la Tour Eiffel. Ouais. Et à la fin de l'année 21, mais en 22... Selon Roger Beaulieu, qui a écrit un livre sur l'histoire de la sécation, il faut le croire. Ça serait, c'est quand même c'est le prince des ondes. ça serait la première station, peut-être au monde, mais du moins en Amérique du Nord, sécassée, qui appartient à la presse. Parce qu'à l'époque, c'est les journaux aux États-Unis. Déjà, monsieur Desmarais. Non, pas tout à fait. C'était le premier, la presse. C'est la presse qui opère, en fait, la station sécassée. Dupuis et Frères, un magasin sur la Plaza Saint-Hubert, grand magasin de généralité, de oh oui. ça, a aussi créé son poste. Il y a eu une flopée de postes postes de radio qui ont été créés. Ils sont tous à peu près morts au feuilleton. La presse, elle, a financé la chose. On vulgarisait le médium parce que les gens, au début, disaient c'est un hobby pour les riches, ça n'aura pas d'avenir. Et la presse faisait des articles à chaque semaine pour vulgariser le principe et même de montrer aux gens comment fabriquer leur récepteur s'ils voulaient à la maison. C'est vrai que c'est très drôle hein, parce qu'ils font encore ça avec la presse plus. Il y a toujours une petite chronique qui nous explique comment utiliser le médium. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours pas compris. Et c'est pour ça que j'ai pas de bon parfum. Et à l'époque, ça coûtait $1 par année pour pouvoir écouter la radio. Ah oui? Le gouvernement fédéral exigeait des permis pour pouvoir écouter la radio. En 1922, on comptait seulement 2000 propriétaires. De récepteurs. La programmation, comme ça, comme je vous disais tantôt, est un petit peu n'importe quoi. On invite n'importe qui à venir, des anciens combattants qui viennent nous parler de leur expérience de la Première Guerre mondiale. On parle de miel, de Noé Catelli, de protection des animaux. Ben, c'est ce que j'ai trouvé dans le livre de Roger Beaulieu. Tous les sujets sont bien. C'est un petit peu comme ça. C'est comme les éclaireurs. Et il n'est même pas rare qu'à l'heure des repas, l'animateur dise aux gens, écoutez-moi, j'ai un petit creux, je vais aller en face me chercher un sandwich, un café, et je reviens, et il n'y a absolument rien à la radio. Pendant 15 minutes, et après ça, les gens 1922, c'est assez classique. On dirait l'émission de Philippe Desrosiers. En 1922, c'est la première fois qu'on lira des textes littéraires en ondes. En 1922, Jean-Philippe, on l'annonce en grande pompe, c'est une première en Amérique. On invite François Lambert et Cécile Sorel, qui sont sociétaires de la Comédie française. Alors, contrairement aux gens qui pensaient que c'était à plus on est de fou, plus on lit, qu'on lisait des textes pour la première fois, non, 1922. Ah oui? Ça fait longtemps quand même. Très longtemps, oui. Et au début, la radio est déjà victime de plaintes récurrentes. Lesquelles, selon vous? Pensez-y. On est un petit peu victime de la même chose. Ah oui? Ah ben c'est les commentaires trop osés parfois. Non, pas assez de femmes. Ah ben voyons donc! Pour vrai! Mais ben, on fin est... des années 20! Ouais. 100 ans plus tard, on a évolué quand même. Il va falloir attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les femmes prennent leur place réellement à la radio. On a qu'à attendre comme comédienne. On n'a qu'à attendre la Troisième Guerre mondiale, puis on fera ça ici aussi. Ben voyons donc. Voilà. La publicité va apparaître à la fin des années 20 également, un peu par hasard. Selon la rumeur, c'est le comédien Ovidio Légaré que vous connaissez sûrement, Jean-Sébastien. Qui a joué dans Le Survenant, dans La Pension Velder, entre autres, dans Grand Papa à la fin des années 70, qui participe à une soirée folklorique et il arrive avec un chapeau neuf. Et l'animateur qui lui dit « Mon Dieu, M. Légaré, où avez-vous pris votre chapeau? » Et M. Légaré de répondre « Mais c'est chez Michaud, naturellement, le seul bon chapelier de la ville. » Et ça, c'est fait, c'est pas prévu. Et le lendemain, le chapelier Michaud est enseveli d'appels de téléphonique, il sait pas ce qui se passe et les gens lui disent, les 2000 personnes qui ont... en fait non, à la fin des années 20 on est rendu à 18 000 récepteurs, il y a quand même du monde qui écoute la alors, radio. Alors il y a 18 000 personnes qui vont acheter des chapeaux à peu près, wow. Et là monsieur le chapelier va offrir de l'argent pour qu'on refasse l'exercice parce qu'il voit bien le potentiel commercial et c'est comme ça que la publicité va apparaître à la radio et ça va être un petit peu une traînée qui va se répandre rapidement à un point tel que les auditeurs appellent la presse pour leur dire là c'est trop de pub, arrêtez-moi ça. Pour et le dimanche, ouais, et le dimanche on va interdire la publicité à la radio de ces classes. Après le jour ça, du Seigneur. Évidemment, la grande crise de la fin des années 20 et des années 30 ne va pas entamer la popularité de la radio. Vous savez, avec l'humour burlesque, on l'avait dit, ça avait un petit peu ralenti parce que les gens n'avaient plus les moyens de payer leurs billets. Non, en fait, les gens restent à la maison et c'est là que la radio va vraiment s'installer et va devenir extrêmement populaire. La puissance de la station CKC est 18 fois plus grande qu'à ses débuts. On a acheté un nouvel émetteur qu'on installe à Saint-Hyacinthe et de 5000 watts. Et la radio va être entendue jusque partout au Québec, même en Nouvelle-Angleterre où vivent encore beaucoup de francophones. Autre problème aussi, un problème qui va apparaître à l'époque, et ça c'est juste avant la guerre, c'est l'américanisation des ondes. CKC va s'affilier avec la station CBS pour diffuser de grands concerts classiques, parce qu'on avait déjà même ici, on diffusait beaucoup de musique classique, entre autres, à la radio, parce qu'on n'avait pas encore d'animateur, il n'y avait pas de programmation réelle, genre on va faire une émission de consommation comme Philippe Desrosiers, je vous précède. Alors, on mettait beaucoup de musique et... CKC voyait bien que ça coûtait pas cher de demander à CBS la fréquence d'onde pour diffuser des concerts à New York et les gens vont s'en inquiéter. Le gouvernement, entre autres fédéral, qui va trouver que la société s'américanise un petit peu trop vite. En 1928, on va créer la commission Heard qui va réfléchir sur l'avenir de la radiodiffusion au Canada et c'est elle qui va recommander la création d'une société d'État qui va être créée en 1932, la commission canadienne de radiodiffusion qui deviendra en 1936 la CBC. Radio Canada, qui a été créée en 1936. Et la Deuxième Guerre mondiale va faire en sorte que la radio va avoir un très grand rôle à jouer. Et c'est ce que je vous parlerai la semaine prochaine. Parce que. Mais mon Dieu, là, on est rendu en 1936, ça ferait comme 10 minutes. C'est extraordinaire. Ouais. La semaine prochaine, on sera où, là? Vous allez voir. On va être. je ne sais pas encore, pas fait. Merci, Fred Savard. C'est très intéressant, hein? Oui. Oh mon Dieu! Vous savez ce que c'est, hein? C'est le moment d'avoir encore plus de plaisir, tout le monde. En fait, on a décidé d'innover encore une fois cette semaine. C'est fou, hein, comment on travaille fort dans cette émission. Alors, c'est notre quiz showbiz qui va joindre notre quiz morte ou vivante. Est-ce que vous connaissez notre quiz morte ou vivante? Non. Je pensais que vous allez apprécier ça, en fait. Ouais, mais j'aime le titre. Oui, ben c'est. Je savais que c'était. Surtout le début. On a deux questions où on se pose, en fait. Vous savez, cette question, est-ce qu'on voit un vieux téléroman, on se dit, mais cette actrice-là, es-tu morte ou vivante? Ben, on se pose souvent cette question-là. Ouais. Alors, j'ai un quiz sur le showbiz québécois et j'ai un quiz aussi. En fait, ça fait tous partie de ça. J'ai plein de questions mélangées. On joue tous à ça. Hein? Alors, si vous connaissez la réponse, vous criez de vos pleins poumons. Les gens dans la salle également. J'ai plein de questions sur l'actualité dans vos revues à potin. Jean-Sébastien, vous avez lu votre 7 jours? Oui. Votre la semaine? J'ai tout lu ça hier soir dans mon bain. Ah. C'est même pas des blagues. C'est vrai en plus? Ouais, ah, ben, j'espère que vous êtes prêts. Pour ceux qui sont vivantes, c'est terrible ce quiz-là. Là. Si on dit mortes et qui sont vivantes, c'est épouvantable. Ben, c'est pas de leur faute en même temps. OK, alors vous êtes prêts? Les gens à la maison aussi, évidemment. Alors, je pose une première question. Criez de toutes vos forces. On doit trouver qui a déclaré à propos de son intégration dans l'équipe de TVA Sports. C'était dans le 7 jours cette semaine. Je vois mon rôle comme un beau défi. J'écouterai les matchs de Montréal ou de mon studio en Floride et je ferai part de mes commentaires en toute franchise. Est-ce qu'il y a un surnom d'animal? Il y a... oh mon Dieu, j'ai jamais su voir. C'est non, non je... ben, peut-être. C'est un homme? C'est un... Ben, est-ce qu'il a déjà fait des publicités pour des pneus? Ah ben là, je connais pas son parcours télévisuel. Parce que Michel Bergeron a fait des... Ah, non, c'est pas Michel Bergeron. C'est le Sébastien Benoît. Ben non, c'est pas Sébastien Benoît du tout. TVA Sport. Oui, mais Sébastien Benoît est rendu à TVA Sport. C'est vrai que Sébastien Benoît est rendu à TVA Sport. C'est un ancien joueur? C'est un ancien joueur de hockey. Ah là, je sais pas ça. Est-ce qu'il est avec la sœur de Peter Stachny? Allez, parlez tous en même temps, voir. C'est José Théodore? C'est José Théodore! Ah! Ben oui, tout à fait! On va avoir un line-up extraordinaire, hein? Ah oui. Vous, Olivier, qui vous intéressez au sport, là, oui. Vous allez capoter ben raide. Hein? Ouais. J'ai vu qu'il y avait autour de la table à TVA Sport. Ils n'ont pas déniché n'importe qui. Vous savez que Paul Oud fera de l'anthropologie sportive. Hein? Oh. Non, mais il l'a vraiment dit. Il va interviewer les gens. D'ailleurs, le premier match est contre les Maple Leafs de Toronto. Il sera dans la rue pour poser des questions aux partisans des Leafs et leur demander pourquoi ils prennent pour les Leafs. Fait qu'un vox pop, c'est rendu de l'anthropologie? C'est rendu de l'anthropologie. Quand c'est fait par Paul Oud, vous savez. Ah, ouais, comme il fait en avion. Là. Exactement. De l'anthropologie de tourisme. Exactement. Ah, qui s'est confié au 7 jours cette semaine et qui a dit « J'ai péché par la luxure. J'aime l'amour. J'espère pouvoir faire l'amour jusqu'à ma mort. Je suis très pour l'amour, physique, spirituel ou mental. » Jeanette Renaud. Ah, ça, ah non, non, mais c'est pas elle du tout, là. Non, on est plus dans le contemporain. Mario Pelcha. Ben... Non, non, merci Mathieu, Charlevoix, mais c'était pas Mario Pelcha. Non, c'est pas moi. Ah, c'était pas vous qui avez... C'est pas moi non plus qui l'a dit, Marc. Merci. Mon Dieu, vous avez... une chanteuse. Ce n'est pas une chanteuse. Une comédienne? C'est une comédienne. Dominique Michel? Ce n'est... Ben voyons donc. Ce n'est pas Dominique... Non, mais parce que je viens de lire dans le 7 jours qu'elle est rematchée, finalement. Elle est rematchée? Oui, Dominique Michel est rematchée. Arrêtez donc! Oui. Bon. Donc, une comédienne âgée qui fait l'amour. Non, déjà, elle n'est pas âgée. Non. Elle fait l'amour. Il existe des jeunes comédiennes. Vous ne semblez pas le savoir. Non. Il existe des comédiennes d'en bas de 70 ans. Ça, c'est drôle. Okay. Est-ce que Fred la trouve cute? Oui, Fred la trouve cute. Beaucoup. Mais beaucoup cute. Oh. Mais non, on va le dire. Mais c'est bon, ça. Mais vous l'avez sur le bout de la langue. Les gens à la maison ont toute une réponse, évidemment, parce qu'ils sont au courant de mes goûts. Mais c'est ça, cette affaire-là. C'est Pascal Bussière. C'est Pascal Bussière! Réponse! Ah, vous connaissez votre frère, Olivier Niquette, franchement. Finalement, qu'il soit morte ou vivante, ça n'a pas rapport. Là. Non, c'est vrai, ça. C'est vrai, excusez. Et là, ma question sur la morte ou vivante. Bon, okay, bon. Alors, on va écouter un extrait et vous devez me nommer cette actrice et dans quel téléroman elle a joué. Et évidemment, si elle est morte ou vivante, on écoute. Vous êtes allé vous changer les idées. Où? On est allé aux arcades. Aux arcades? Quelles arcades? Après une menterie pareille, t'es mieux te tremper la langue. Jean-Sébastien Girard? C'est dans Jamais deux sans toi? Non. Dans Watatata. Dans les Héritiers du Val? Dans les Héritiers du Val? C'est la petite, là, l'incendie. Ah oui. Mélissa Desormeaux-Poulain, qui est en train de jouer au billard avec le. Comment il s'appelle? Mais voyons donc! Oui, oui, oui. Olivier Loubry? Il y avait Olivier Loubry Daudelin qui fait maintenant de la claquette. Mais il y avait un grand Tahitien aussi qui était comme chef de rue qui est devenu. Fred, mais peu importe. Il est parti gagner sa vie aux États-Unis. Je ne peux pas croire que vous ayez deviné. Je ne peux pas croire que vous ayez deviné Mélissa Desormeaux-Poulain dans un extrait des Héritiers du Val qui a une vingtaine d'années. Vous savez, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Jean-Philippe, quand vous lisez votre séjour un samedi soir chez vous, c'est parce que vous en écoutez quelques Mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Puis elle est morte, hein? Oui! Ah! Franchement. Ça, c'est bien vous, non, ça, Patrick Sénécal. Ah, j'ai une autre question, justement, c'est un autre extrait, et je vais absolument la passer, celle-là. C'est le thème d'une série télé. Alors, on va l'écouter et je pense que ça va dire beaucoup de choses à beaucoup de monde. Le premier qui connaît la réponse crie fort. Je pense que Mathieu Charlebois a une chance là-dessus. On écoute. Les intrépides. C'est quoi? Les intrépides. C'est les intrépides. Mathieu Charlebois, tout le monde se souvient des intrépides quand même. Je sais même pas c'est quoi. Vous connaissez pas les intrépides? Non. Mais voyons donc, avec Jessica Barker. Barker. Et Laurent Deux. Je joue aussi dans la petite maison dans la prairie. Ouais. Le petit Laurent Deux. Dans quelles années que ça a joué, ça? 90. Ouais. Ben voyons donc. C'est deux jeunes qui réglaient les problèmes de l'humanité âgés de 15 ans et moins. Ouais. Regarde, c'est une espèce de radio pirate qui fonctionnait à partir de chez eux, qu'ils soient en France ou au Québec. Ouais. C'est un truc franco-ontarien. Peut-être. Ben, franco-français, là. Ben, il y avait beaucoup c'était franco-québécois. C'était franco-québécois, franco-ontarien. Il y avait énormément de crédits d'impôt. Il y avait beaucoup de crédits d'impôt. Ouais, non, ça, c'est sûr. C'était très et bon là, pour franco-ontarien. J'ai une dernière question pour vous, et franchement, celle-là, c'est une de mes préférées. Hein. Le témoignage le plus touchant qu'a reçu cette personnalité, et elle l'a témoigné dans les 7 jours de cette semaine, c'est d'être nommée personnalité de l'année de Drummondville. Oh. Qui a été chanceux de même, selon vous, messieurs? Une poutine? Je pense que c'est Joanne Blouin à cause des roses Drummond, dont elle est porte-parole. Oh mon Dieu, vous connaissez beaucoup de choses, mais ce n'est quand même pas ça. Okay. Ce n'est pas ça. Alors, Drummondville, c'est ma ville, ça, quand même. C'est votre... ben, vous devez connaître. J'habite à Drummondville, moi aussi. C'est un peu impressionnant. Oui, c'est vrai, on s'est déjà dit ça, mais là, je... Ben, c'est pas vous, hein. C'est pas non, c'est pas moi. Les gars des trois accords? Non. Posez-moi des questions. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est une fille? Bon, est-ce qu'elle est âgée? Michel. Personnalité de Drummondville. Oui. Une fille. Oui, une fille. Est-ce qu'elle est chanteuse? Elle est chanteuse. Une bonne chanteuse? Boisjoli? Oui, c'est Brigitte Boisjoli. Mais non, mais c'est extraordinaire. Pouvez-vous croire, Patrick Sénécal, que vous vous êtes fait damer le pion par Brigitte Boisjoli sur le titre de personnalité de l'année? Étonnant, pendant qu'on fait ce quiz-là, là, la température a baissé à Saskatoon, il fait maintenant 8. Les gens trouvent que c'est trop régional. C'est extraordinaire. Ouais. Alors, est-ce que c'est fini pour tout le monde, là? Oui. Vous êtes rassasié de nos vedettes de la semaine? Ah oui, écoute. Ah oui, vous êtes je l'étais avant que ça commence. Ben, en attendant, on va aller voir si c'est les anniversaires de la semaine. Ah. Et il ne faut jamais oublier ça. Jean-Sébastien les prépare à l'avance à chaque semaine. Oui, voilà. Deux anniversaires importants. Tout d'abord, aujourd'hui, le 4 octobre, c'est l'anniversaire de Snoopy, qui a aujourd'hui 64 ans, Jean-Philippe. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah, mon Dieu, bravo. Snoopy, le petit chien, le signe astrologique de Snoopy est Balance. Ben voyons, et son signe chinois est le tigre, puisque son année de naissance est 1950. Également, jeudi prochain, c'est le 43e anniversaire de l'ancien chanteur Daniel Boucher. Son signe astrologique est Balance. Et son signe chinois est le sanglier son de métal. Voilà, parce que son année de naissance, c'est 1971, Jean-Philippe. Ah. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On va aller au sport avec Olivier. Olivier Niquet. Oui, ben en ce moment, l'Impact joue. Oh. En ce moment même, et c'est 0-0, fait que vous n'avez rien manqué. mais j'aimerais parler surtout de... J'ai été pas mal insulté en lisant mon journal de Montréal ce matin parce que se tenait hier à Toronto le championnat mondial de mangeurs de poutine. Oui, ah, à Toronto. Et c'est un Californien, Matt de Megatoad Stoney, qui l'a remporté devant un autre Californien, le célèbre Joey Chestnut, champion mangeur de roteux aussi. Ben oui. Et Mega Crapaud a mangé 14 livres et 3 quarts de poutine en 10 minutes, il a remporté 3 000 $. Ça valait la peine. Il a déclaré après sa victoire, « Les patates frites et le gravy, ça passe vraiment, vraiment vite, alors probablement que j'aurai terminé de digérer d'ici un ou deux jours. » On lui souhaite. Ah, mon Dieu, mais c'est quand même gênant. T'sais, on a inventé la poutine, puis on se fait déclasser par des Américains à Toronto. Il me semble qu'avec tous les mangeux de poutine qu'on a ici, on devrait être capable de faire bonne figure dans un championnat comme ça. On n'est pas moins idiots que les autres, franchement. C'est peut-être la ligue américaine du championnat de poutine. Peut-être. Mais quand même, les concours de bouffe, c'est un peu un des signes que la fin du monde approche. Puis si on veut arriver à la fin du monde en même temps que tout le monde, il faudrait se déniaiser. Parlant de fin du monde, le Canadien a perdu son dernier match hors concours hier. Personnellement, ça me fait capoter, mais c'est pas le cas de Michel Therrien, qui est assez optimiste. On va faire comme la semaine passée, d'ailleurs, deviner les questions qui fit avec les réponses en conférence de presse. Alors, dis-moi, Michel, envoyer 5 joueurs dans les mineurs, est-ce que c'est des décisions qui est facile à prendre? Et c'est des décisions qui est pas facile à prendre. Ah, bon. Est-ce que la chance que tu donnes à tes jeunes, c'est une opportunité de démontrer quelque chose ou bien juste de démontrer? Comme je disais auparavant, il va y avoir une opportunité de démontrer. Et à date, on est très satisfait de plusieurs d'entre eux, qui est une excellente nouvelle. Plusieurs d'entre eux, qui est une excellente nouvelle, oui. Sinon, combien de choses qui est pris en considération pour choisir ton gardien? Bonne question. Ah, merci. Mais il y a beaucoup de choses qui sont prises en considération quand tu viens prendre une décision comme qu'on va prendre. D'ailleurs, on l'a dit, Canadiens ont pris la décision comme qu'on va prendre cet après-midi en échangeant Peter Budaj aux Jets de Winnipeg en retour de l'attaquant Eric Tangradi. Et pour ceux qui veulent savoir c'est qui Eric Tangradi, ben désolé, je ne sais pas. Enfin, Michel, pour toi, c'est quoi la raison qui est dure? La raison qui est dure, c'est qu'on est satisfait de la performance de beaucoup de jeunes. Hey, je comprends que ça ne doit pas être facile, hein, mais ça me rassure quand même tout ça. Alors moi, je prédis que Canadien va finir premier dans l'Est. Vous? Ah, ben merci! Vous? Ben moi, ben, premier dans l'Est, je sais même pas c'est quoi. Oui, tout à fait. J'ai pas fini, là. Ah, vous avez pas fini? J'ai plein d'autres sujets. Ah, ben allez-y. Mon Dieu, je savais pas que... Du côté de la NFL, cette semaine, il y a un joueur musulman, Hussein Abdullah, qui a été pénalisé par la Ligue pour avoir célébré un toucher en se jetant sur les genoux et en se prosternant au sol. En plus, il avait le visage voilé de façon ostentatoire par son casque, une situation que les Pinot Caron auraient sûrement dénoncée avant de rembarquer dans l'autobus. Et comme le faisait remarquer Richard Etu sur son blog Internet, la NFL n'a par contre jamais sévi contre Tim Tebow, qui priait le petit Jésus pendant chaque match. Et d'ailleurs, Tim Tebow qui, en ce moment, a une très grosse saison dans les limbes. On va finir avec le toast et café 2.0. Je vous en supplie. J'ai reçu un courriel d'un certain François qui dit « Football, catégorie Benjamin, les barons du séminaire de Sherbrooke ont remporté le match aujourd'hui par la marque de 28-14 contre les Patriotes de la poudrière de Drummondville. » Drummondville, c'est d'actualité. Ben oui, c'est une grosse journée pour Drummondville. Faire loin. Ça, c'est pas qui vous... Là, moi, j'avais marie mais on disait « Joue la poudre ». Ouais, à la poudrière, à la polyvalente. Apporte bien son nom aussi. Ouais. Et faire retenir le petit Édouard qui avait oublié son casque, a complété la partie avec le casque d'un de ses coéquipiers. Et François tient à ce qu'on fasse le message. Là, il veut rassurer les parents du coéquipier en question que le protège-dents sera nettoyé et désinfecté pour la prochaine partie. Franchement. Une bonne chose de laver son dentier. Et on a aussi David qui nous dit qu'il a fini 7e dans son pool de baseball. Ben, on ne sait pas il était combien, mais quand même, participer à un pool de baseball, c'est déjà un exploit. Alors, bravo. Merci, Olivier Niquette. C'est très gentil de nous parler du sport encore une fois cette semaine. Avant de se quitter, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour Patrick Sénégal? Oui, absolument. Une première question qui nous vient de Gabriel Larose et qui va comme suit. Commencez-vous à être écœuré de vous faire toujours demander en entrevue si vous êtes un psychopathe? Je retiens les noms de ceux qui me posent ces questions-là, puis je vais régler ça à un moment donné. Mais êtes-vous psychopathe vraiment? Hein? Êtes-vous psychopathe vraiment? Bon, alors, je vais écrire votre nom, ça va pas long. Trouvez-moi un papier, un crayon. C'est ici. Un témoignage d'une madame Annie Morin qui dit « J'ai lu votre nouvelle 38 km dans le recueil des nouvelles du père. Voulez-vous m'adopter? » Ah oui, c'est ça. Pourquoi je raconte une histoire touchante. Je raconte un rite de passage fait avec mon fils quand on est venu rester à Montréal. On a fait Saint-Hilaire, Montréal à pied, tous les deux avec un sac à dos pendant 2 jours. Puis fait que ça a dû bien la toucher. Mais la réponse est non. Bon. Vous avez un cœur, finalement, vous. Hein? Je suis doux une fois par année. Okay, là, elle a passé sa shot. Une question de Mme Lucie Dubois de Lavaltrie qui va comme suit. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que c'est l'écriture de Christine Brouillette, de Stephen King ou de Lise Ravary? Livre Avary, sans aucun doute. Ouais. Ouais. Oh! Il faut malheureusement arrêter votre réponse. On est sur un élan. C'est un peu trop tard, malheureusement. J'aurais pas dû répondre. Non, c'est pas grave. On arrangera son montage, Patrick. Il n'y a pas de problème. Évidemment, ce signe-là, ça nous annonce que c'est le moment de notre blague du jour, Jean-Philippe. Ah, quel bonheur. Et je vous pose la question. Ouais. De quelle manière, Jean-Philippe, les religieuses se reproduisent? Ah, c'est tellement niaiseux. En couvant? Elle est quand même bonne. Pas mal. Elle est quand même bonne. Ça vient de quel livre, ça? Drôle en verra de Gilles Latulippe. Ah ben voilà, c'est un bel hommage à Gilles Latulippe encore une fois cette semaine. Eh ben merci beaucoup à tout le monde. Merci Patrick Sélécal. Merci à vous autres. Il y a tellement de choses à faire si on veut vous lire, si on veut vous voir, si on veut faire n'importe quoi. Ça finit plus. Vous êtes improductif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci d'être venu nous voir. Merci à vous autres. Vous revenez bientôt quand même. Hein? Ben si vous m'invitez, pas de problème. Parfait. Je vous envoie les factures de psychiatre de mon neveu. Excellent. Et Mathieu Charlebois, merci énormément. On vous lit sur l'actualité. Comme toujours, on se revoit bientôt, j'espère. J'espère. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe. Marie-Hélène Vautier, Marie-Hélène Girard, Martine Hippolyte, Philippe Roberge et toute l'équipe, évidemment, vous connaissez. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres soirées qui seront, je l'espère, encore jeunes. Merci tout le monde!